Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 46 d'Horreur Gamer. Ici Sébastien au micro. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre est pas là, on va le découvrir avec nos amis. Parce que tout le monde, sauf Pierre, est autour de son micro. Et on commence par Steven Lefrançois. Salut Steven! Hey, salut Sébastien! Comment ça va? Ça va très bien, je suis très heureux que les enfants d'Horror Gamer soient de retour. Papa est pas là, les enfants sont tout seuls. On va virer ça de croche. Et pour virer ça de croche, on a aussi l'ami Jean-François. Allô! Comment ça va? Très bien, toi? Yes! Et non, moi, la moindre, l'enfant terrible, la nouveau-née, la petite Vicky! La nouveau-née! La nouveau-née! Oh, la dernière écrite, c'est la nouveau-née. Oh, oui, c'est même que ça marche. Tout est fœtus dans le ventre qui je suis comme sorti de l'utérus de Pierre. Non, c'est... Okay, okay. Non. Non, t'es encore dedans, puis tu le poke. J'aime bien vraiment cette idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Écoutez, les amis qui nous écoutent, Pierre... Ça a l'air que c'est un homme occupé, qui a plus de projets que nous autres. c'est nous autres, les losers dans la gang. Pierre est vraiment occupé. Il a plus le temps d'écouter des films. Plein de projets. Je pense qu'il voudra vous en parler. Il vous en parlera s'il veut. On garde ça mort. C'est des belles choses, ceux qui ont su. C'est vraiment très hot ce qui s'offre à lui. Mais c'est ça. Plus le temps d'écouter ben des films. Plus le temps non plus de s'occuper d'Horreur Gamer. Puis plutôt que de prendre une pause, il nous a dit continuer le projet et je reviendrai un moment donné lorsque je serai plus libre. Alors, on prend les rênes puis on vire ça ailleurs. Donc, ce soir, on parle de cuisine! Non, bienvenue à les recettes pompettes! Les recettes pompettes! Il y a juste non. Moi qui ne veux pas. Non, tu veux pas? Pas chaud là! Tu veux pas? Non! Je suis pas d'accord. Pas d'accord, c'est bon. Ok, dis-le, t'es homophobe? Non, c'est pas ça. Ok! Avant que ça aille trop loin, je pense qu'on évite de commencer le chien. Alors, on commence après cette pause. Donc, notre thème ce soir, c'est les enfants tueurs. Et notre premier film dont on va parler, c'est Who Can Kill a Child, un film de 1976, aussi connu sous le titre francophone Les Révoltés de l'an 2000. Et je pense qu'il y a eu genre 25 titres là, qu'on peut trouver sur IMDb et ailleurs. Il y a aussi Island of the Damned, mais je n'aimerais pas toutes parce que c'est vraiment ridicule. Mais donc, Who Can Kill a Child, réalisé par Narciso Ibáñez Serrador. C'est l'histoire d'un couple, Tom et Evie, qui voyagent en Espagne, puis décident d'aller sur une petite île, parce que le gars est déjà allé là, il y a quelques années, il y a 11 ans à peu près, puis eux, ben c'est ça, elle attend un enfant, est enceinte, puis ils ont déjà deux enfants qui sont restés à la maison. Fait qu'eux voyagent comme ça, elle est à 6 ou 7 mois de grossesse. Puis au début du film, on les trouve dans une ville qui est très, très bruyante, très vivante. Il y a une fête, une fiesta pour la fête annuelle de la ville et tout ça. Puis eux décident d'aller sur l'autre île, elle s'appelle Almanzola, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, l'autre île est vraiment plus tranquille, mais vraiment trop tranquille parce qu'il n'y a plus personne. Les seules personnes sur lesquelles ils tombent, c'est les enfants. Puis les enfants sont un peu étranges. Fait que je vais m'arrêter là, puis on va continuer d'en parler. Donc, ben merci, Jeff. Puis, étant donné que c'est un épisode thématique, là, on rappelle à nos auditeurs qu'on spoil. On spoil les films si on veut en jaser. Là, c'est pas un tour de table, donc on se gêne pas de parler des films en entier. Pour ça, je commencerai avec la petite dernière au foulard. C'est un beau foulard, écoute. Ben, les auditeurs peuvent pas le voir. Là, mais... non. Ah, il est magnifique. Mm-hmm. Ben, je suis contente que tu commences par moi parce que tout de suite, je vais rebondir sur ce que Jean-François a donné comme description. Dans sa description, Jean-François commence le film avec le couple. Mais en fait, le film commence pas sur le couple. Non. Le film commence... C'est ça, le film commence sur des images des grandes guerres, des grands drames contemporains qui ont fait beaucoup de morts. Et... moi, je me suis beaucoup attardée à ça et j'ai même fait mes devoirs. Je suis allée dans le Petit Robert. Je le montre au garçon pour qu'il me croie. Je l'ai sorti et j'ai pris des définitions. Parce que j'ai trouvé le début de Who Can Kill a Child vulgaire. Puis vulgaire, on a le sens vulgaire, vulgarité, sexualité, mais on a un autre sens à vulgarité qui ne se distingue en rien. Ordinaire, c'est-à-dire de l'espèce de la variété la plus commune. Merci, petit Robert, ça m'aide à comprendre un peu qu'est-ce qui m'a dérangé avec le début de Who Can Kill a Child. Et là, je parle pas du début de l'histoire, mais vraiment du début du film. Parce qu'on ne revient jamais sur ces images réelles de la Deuxième Guerre mondiale, de la famine au Sri Lanka, si je me souviens bien. Et il y a quelque chose aussi en Indonésie. Bref, on ne revient jamais sur pourquoi, quel est le contexte d'avoir mis ça au début du film. Puis, moi, le début de Who Can Kill a Child est vulgaire dans le sens où il utilise l'histoire horrible de l'homme contemporain pour en faire du sensationnalisme, puis ça rend le tout vulgaire. Prendre des images horribles, non pas dans le but d'informer ou d'instruire, mais d'en tirer des conclusions par rapport à notre film en question est une mauvaise idée, et en plus, c'est mal exploité. Parce qu'on nous dit pas c'est quoi le message, puis tout le long on se demande c'est quoi le message. Est-ce qu'on veut nous dire que l'homme est vulgaire, l'homme est difficile à... C'est comme, excusez, je reprends mon idée, c'est que le meurtre de masse, c'est pas tuer quelqu'un à coup de gun ou direct d'en face ou à coup de machette ou à coup de batte de baseball. Le meurtre de masse, c'est inhumain, mais parce qu'aussi la forme devant ça n'est pas humaine. Puis là où je veux en venir, c'est que au début, on montre des enfants qui se font tuer, puis dans le film, la question, c'est, il y a comme une espèce d'esprit qui aurait possédé les enfants. Pourquoi des enfants? Parce que personne ne peut tuer les enfants. Mais on est au début, on nous montre le contraire. Mais en même temps, est-ce que vraiment ces guerres-là étaient orientées sur les enfants ou c'est plus des dommages collatéraux? Désolée de le dire ainsi, mais c'est un petit peu ça qu'on me montre. Fait que moi, j'ai trouvé que le début était totalement incohérent avec les propos du film et ça m'a vraiment déplu. Parce que je trouve que le message ne passe pas, il est confus dès le départ. Moi-même, je suis confuse en parler, fait qu'imagine. Parce que ce qu'on essaie de nous dire, c'est... Ah, on peut mettre un esprit malsain dans le corps d'un enfant parce que personne ne va tuer un enfant, mais au début du film, on nous montre des meurtres d'enfants. Fait que c'est un petit peu contradictoire en lui-même, en soi. Et probablement que les garçons, si vous l'avez aimé, vous allez me dire que c'est un film d'ambiance. Mais moi, je trouve que dire que c'est un film d'ambiance, c'est insulter mon intelligence émotionnelle parce qu'il n'y a pas de build-up. Il y a zéro build-up. Ça commence d'un coup comme ça, il faut comprendre. Parce que la musique est tellement... mal placé, qu'au lieu de créer un effet de peur et de mettre la musique en association, on met quelque chose de super banal, super vide de sens, puis on y sacre une grosse musique, tout comme dans le début du film, pour nous dire « Hey, à ce moment-là, là, tu devrais avoir peur. » Mais logiquement, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On devrait te créer une scène, une ambiance, puis la musique rajoute à la peur. Et non pas, comme par exemple, on a une scène où une petite fille rentre dans la maison, elle taponne le ventre de la madame enceinte, puis là, il y a une grosse musique qui part. T'es censé trouver ça inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant? Il n'y a absolument rien d'inquiétant là-dedans. Fait que moi, ça m'a vraiment, vraiment déplu, le film Who Can Kill a Child. Je trouve que la musique est mal placée. On souligne pas une situation inquiétante parce qu'il n'y a rien d'inquiétant. On crée de toute pièce quelque chose d'inquiétant avec du vide. Ben, il y a des trucs qui commencent à devenir inquiétants, mais les premiers éléments sont pas inquiétants. C'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. Mmh. Mais le premier meurtre arrive à 50 minutes. Mm-hmm. Quand même, sur un film d'1h50, c'est loin. Puis moi, je trouve qu'on n'était pas sur le bout de notre chaise depuis 30 minutes quand le premier meurtre arrive. On n'était pas stressé. Puis j'ai trouvé la fin assez prévisible et pas jouissive du tout. Juste avant qu'on continue, Jeff, avais-tu des trivia sur non. Sur le film? Ben, non, mais c'est juste pour savoir, parce que pour en revenir à ce que tu disais par rapport à l'introduction, j'ai lu que le réalisateur ne voulait pas cette introduction-là. Il ne l'aimait pas, il trouvait ça probablement comme toi. La colère! Ben, c'est très la colère, parce que c'est comme si, en bout de ligne, tu sais, le film donne pas vraiment d'explication sur ce qui se passe dans la tête de ces enfants-là, mais avec ça, on dirait qu'on est comme obligé d'utiliser ces images-là pour donner un sens au film. Parce que tu te dis, si je prends pas ces images-là pour me donner un sens au film, ben, à quoi elles servent, tu sais? Exactement. Tu sais, on dirait que c'est comme, finalement, c'est la vengeance des enfants. Excuse-moi, oui. Mais je le dis, si elles servent à créer une ambiance horrifique, c'est encore pire. Parce que c'est pas un film, c'est la réalité. Créer une ambiance horrifique sur de la réalité, c'est malsain. Parce que ton but, c'est pas d'un... Quand que moi, j'écoute un film, mettons, Nuit brouillard de René, qui prend ce genre d'image-là. Peut-être que vous le connaissez, les gars, Nuit brouillard d'Alain René. Je connais le titre, mais j'ai pas vu. Moi non plus. Super facile à trouver sur YouTube. Puis c'est justement un film qui a été tourné à la fermeture des camps de concentration. Fait que le gars, il filme des pans de savon faits de chair humaine, des cheveux, puis tout le kit. Mais lui, son but, c'était de créer un film historique. C'était d'instruire. La guerre venait de finir, puis il dit là, on essaie de tout enterrer. On ne peut pas enterrer. Je vais créer un film. Il y avait cette urgence, il y avait ce besoin. Il y en a un autre, c'est, je pense, c'est Allemagne, année zéro, quelque chose comme ça. Là, j'ai... Puis c'est la même chose. C'est un film tourné à même les rues de Berlin, si je me souviens bien, pour nous montrer la destruction de la guerre. Fait qu'il y a une espèce d'urgence de montrer quelque chose. Mais là, c'est exploiter des scènes horrifiques pour le bien-être de son film. Puis moi, ça me met mal à l'aise, sincèrement. Mais je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser quelqu'un d'autre parler. On fera le débat après. Non, mais c'est excellent, Vicky. J'ai hâte qu'on y revienne. Steven? Oui. Moi, le film était sur ma chemise depuis très longtemps, fait que je suis vraiment heureux que vous l'ayez, que les auditeurs l'aient choisi finalement pour qu'on en parle, fait que ça m'a donné une bonne occasion de le voir. Moi, je vais y aller dans le sens contraire de Vicky. génial. Mais c'est très intéressant tes points, Vicky, honnêtement. Et je vais commencer avec ceci. C'est probablement le générique le plus dégueulasse que j'ai vu dans un film. Et je parle vraiment honnêtement, que je sois père ou pas d'un enfant, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Et ça m'a fait peur avant de commencer le film à me dire, suis-tu tombé sur cette espèce de films qui tentent de trop choquer avec des images gratuites. À la Face of the Death. Ou à la Face of the Death, à la snuff, là, quelque chose de trop crédible, trop réel. D'où mon expression vulgaire. Rendre quelque chose de super horrifique, banal et commun. Exactement. Quand t'en superposes 5, à un moment donné, c'est que ça devient pas mal. C'est pas normal. Tu sais, quand après 5 minutes, t'es écœuré, puis tu fais comme, ah oui, c'est bon, reviens-en des images de cadavres et d'enfants morts, c'est pas normal. C'est rendre ça vulgaire. C'est grave. Non, c'est vraiment clair là-dessus, mais je pense qu'il faut écouter ce film-là, puis mettre de côté ou même skipper cette intro-là inutile, parce que même le réalisateur lui-même, il a dit que ça serait juste de lui, je sais plus où j'avais vu ça, mais il aimerait ça un jour sortir une nouvelle édition, puis juste skipper ça par faire le générique. Ça parce serait que parfait. C'est vraiment, ça n'a vraiment pas de lien avec le film. Parce qu'il y en a qui essayaient de trouver des liens et qui disaient que c'était une espèce de justification pour les gestes des enfants. Mais même là, je pense pas. Je pense vraiment que c'est juste une erreur à l'époque. Je peux pas saisir trop quoi, mais je le vois que le réalisateur est pas à l'aise avec ça. Puis que faut juste le prendre vraiment de côté, déliter ça, skipper. C'est pas nécessaire. Ensuite, le film décolle et on a vraiment un vrai film d'horreur. Puis un vrai film d'horreur, comme on en avait quand même un qui avait fait des tabous à l'époque des années 70, et je parle évidemment de Massacre à la tronçonneuse. Et ce film-là m'en a un peu rapproché. Ce sont deux films totalement différents, mais c'est deux films qui sont venus me chercher dans un horreur réaliste et très chaud. La réalisation du film dans cette espèce de petit village désertique avec juste des enfants, le soleil qui tape. J'arrivais quasiment à sentir la goutte de sueur des acteurs qui me tombaient dessus. Je trouvais qu'il y avait une bonne manière de transposer à l'écran justement la température, l'atmosphère, puis c'est un crescendo movie. Je peux comprendre que c'est long, c'est 1h50, mais moi honnêtement, j'ai jamais trouvé ça long, je me suis jamais emmerdé personnellement, parce que j'étais juste impliqué, j'étais intéressé, j'étais intrigué à me demander qu'est-ce qui allait se passer, et je trouve que le film, il va au compte-gouttes. Il y en a pour qui ça va déranger, puis je peux parfaitement comprendre, mais je trouve que le compte-gouttes commence à y aller de plus en plus rapidement au fur et à mesure que le film avance, et je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne manière de encore plus m'immerger, puis de me faire embarquer dans cette ambiance-là, puis à me déranger, puisque veux pas, le film, c'est ce qu'il tente de faire par moment, de déranger, de te faire poser des questions sur... sur qu'est-ce. Justement, le titre, le film n'a pas le titre Who Can Kill a Child pour rien. Tu sais, est-ce que quelqu'un serait vraiment capable de faire ça si une bonne journée des enfants voudraient réellement se révolter ou faire réellement de quoi? Puis tu as plusieurs exemples dans le film qui font en sorte que les enfants sont certains. Moi, j'ai pas perçu ça forcément comme des enfants possédés. Je trouvais que c'était pas si clair que ça. Encore là, avec le résumé, moi, pour la Non, je comprends, mais je crois que c'est vraiment pas clair, puis ça me dérange pas tant que ça. Je pense que ça peut nous laisser imaginer pas mal de choses, mais t'as plusieurs scènes où que les enfants vont faire une espèce de mur humain devant les voitures à chaque fois que le couple tente de s'enfuir, parce qu'ils sont juste certains que les adultes seront jamais capables de tuer les enfants. Puis c'est cette perception-là qu'ils ont des adultes. T'as une autre scène, justement, que lorsque... comme on dit, on y allait des spoilers, fait que je vais avec un spoiler là, mais le héros, après qu'il est un peu tout perdu, puis qu'il va vraiment en mode survival puis désespoir, il va littéralement mitrailler les enfants alors qu'ils refont un mur. Tu vois un des enfants qui prend un des enfants qui a été tiré à terre, puis il y a vraiment une expression de... Il n'arrive pas à réaliser qu'il y a vraiment un adulte qui vient de le faire, parce que j'imagine que c'était peut-être pas encore arrivé au moment où il s'amusait à tuer des adultes, qu'il n'y en a pas un qui a encore osé tuer... des enfants parmi leurs gangs, puis j'ai aimé ça, ce moment-là. T'as vraiment une expression assez claire sur les enfants, et c'est un point positif que j'ai beaucoup aimé dans le film, ce qui est rare. J'ai souvent de la misère avec les films de ces années-là qu'il y a des enfants, parce que les enfants sont pas toujours de bons acteurs, tandis que là, je trouvais que c'était naturel, ils sont juste inquiétants. Bon, j'ai l'impression que le réalisateur, il a quasiment demandé de juste comme rester vous-même, puis juste essayer d'avoir l'air un peu bizarre, puis d'en rajouter un peu, mais globalement, les enfants ont juste l'air naturel à chaque fois. À chaque fois qu'ils font de quoi, on dirait que tout pour eux est juste un jeu. Y a une scène où une fille fait juste attaquer un vieillard à coups de canne, puis ensuite le gars vient intervenir, puis essaie de comprendre pourquoi elle fait ça, pourquoi tu fais ça, puis elle commence à rire, comme si c'était un jeu pour elle, comme si c'était plus ou moins consciente, ou plus que je dirais que c'était anodin. T'sais, tout ça est un jeu pour eux, là, le tuer des adultes. C'est aussi facile pour eux de faire ça que les adultes en ont à se tuer entre eux. Je trouve qu'il y a des messages comme ça que le film tente d'élaborer qui sont pas toujours clairs, mais qui sont quand même présents. T'as la scène avec la piñata humaine. T'sais, à chaque fois qu'il y a un humain qui se fait tuer, c'est quasiment tout le temps dans un contexte de jeu, ce qui est assez dérangeant. Moi, j'ai vraiment eu des malaises. Mais c'est un jeu, Steven, parce qu'à la fin du film, ils disent vous allez apprendre à d'autres à jouer comme nous. Ouais, c'est ouais, exactement. Exactement, dans ces mots-là. Par contre, moi, j'ai pas écouté les films avec des sous-titres. Je savais pas qu'il y avait des sous-titres. Fait que moi, j'étais comme, hey, c'est fuck. Cool, ça rajoute de l'ambiance, le fait que je comprenne pas. Fudge! Oh que, boy! Bon, ben, on t'apprend, Steven, qu'à la fin, quand il y a deux petits teams d'enfants, puis il y en a un qui quitte en bateau, et les autres disent pourquoi on te suit pas, puis ils disent ben parce que c'est mieux qu'on soit seul, puis ils disent de toute façon, on va aller apprendre à jouer à d'autres à les jouer comme nous. Fait que toute l'histoire du vieux au milieu du film, tu l'as pas compris. Hein. Oh mon Dieu, non. Le non. Vieux qui raconte comment ça s'est passé. Comment ça a commencé. Non, non, moi je pensais que j'étais comme la femme du gars, que je comprenais juste pas qu'est-ce qu'ils se disent. Puis, Une immersion féminine, Steven. Ah, mais tu dis qu'ils ont pas de l'air possédés. Moi, la scène où ils réussissent à quand même quitter un peu l'endroit, s'en aller d'une petite cabane. Je pensais à ça aussi. Avec ouais, c'est ça, hein, avec la femme. Les enfants qui sont autour de cette femme-là ont de l'air normaux. Oui. Mais quand les enfants possédés, ou en tout cas méchants, arrivent, ils font juste les regarder dans les yeux, puis tu sens que ces enfants-là qui s'amusaient, qui étaient normaux, font un switch. Mm-hmm. Oui, mais attends, puis Steven, il a dit qu'il trouvait pas ça si clair que ça, mais il l'a écouté sans sous-titres. Là. Ouais, là, écoute, là, c'est ça, rendu là. Honnêtement, j'ai perçu cette scène-là un peu comme un guet-apens. Que les enfants jouent un jeu, parce que t'as une scène où la fille va faire la même affaire que son père, va faire un guet-apens, puis elle l'a amené pour le piéger. Puis je trouvais que ça avait l'air de ça un peu. Les enfants faisaient semblant d'être normal, puis tout ça. Puis qu'un coup que les autres savants sont arrivés, ils sont comme redevenus en état normal, si on veut, comme, comme à la fin quand ils tentent de piéger aussi les policiers ou ces choses-là. Moi, c'est okay. Un peu comme ça que je l'ai perçu. OK, et comment t'expliques d'abord le fœtus qui tue sa mère? la question piège! Non, je suis capable de le défendre, celle-là, Steven. Elle est tombée sur son ventre avant, là. Oh. En courant, ouais. Elle est tombée sur son ventre, puis elle se donne des coups à plusieurs reprises aussi. Ah oui, je veux dire, c'est. Elle a peut-être juste peur dit... d'avoir un enfant, là. Mais en fait, je pense. Elle dit j'ai peur, elle est en train de me tuer. Oui, mais en fin de compte, moi, la manière que j'ai perçu, c'est que c'est vraiment une descente psychologique pour la femme, surtout qu'elle vient de voir son mari assassiner un jeune devant elle, ce qui a été sans doute la goutte qui a fait déborder le vase. Puis j'ai juste l'impression qu'elle paranoïe, qu'elle a peur que l'enfant s'attaque à elle-même comme les autres enfants l'ont fait. Peut-être. Fait que c'est pour ça que par la suite, elle commence à se donner des gros coups sur son ventre, puis elle finit par faire une espèce de grosse hémorragie. Moi, c'est mal. C'est comme ça, moi aussi, je l'avais perçu. Mais sinon, pour revenir, le couple, j'ai trouvé que les acteurs sont très bons. Par moments, ça dépendait à certains. C'était un petit peu inégal, je dirais. Mais ça ne m'a pas trop dérangé. Globalement, je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience de Who Can Kill a Child. Je crois que c'est un film qui est dérangeant, que c'est un film d'horreur assez pur, sans aucun humour, comme on en faisait quand même régulièrement à l'époque. Puis moi, je sais pas, comme je vous dis, j'ai tout de suite pensé à Massacre à tronçonneuse parce que ça me faisait penser à un film d'horreur qui avait aucune dose d'humour, que c'est là pour déranger, puis que ça devait marquer l'esprit. Puis à l'époque, le film a eu beaucoup de censure puis de problèmes, évidemment. Mais je trouve que pour un film de 1976, il va loin. Il y a des scènes qui vont vraiment assez loin à mes yeux et qui n'ont pas vraiment perdu de leur impact. Je trouve que le film a bien vieilli, même si certains aspects qu'on peut y reprocher. Mais je considère que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est il mérite son statut de classique de film d'horreur puis d'enfant tueur. C'est un des meilleurs que j'ai vu. Puis je trouve ça intéressant, un film comme ça qui traite d'adultes qui n'osent pas ou qu'est-ce qu'on ferait dans ce contexte-là? Est-ce qu'on se défendrait pour on oserait tuer des enfants qui mettent notre vie en danger? Contrairement à un film comme The Children qui aurait peut-être, au bout du compte, été intéressant de faire avec celui-là où les parents... Oui, qu'est-ce que... Steven vient de spoiler un film dont on parle pas ce soir. Et voilà, Steven a encore réussi. Il l'a encore fait, voilà! C'était le spoil de la soirée. Oh, lève nos bras! Ben, non, tu viens d'écouter ça. Merde. Excuse-moi, Steven. Ah non, c'est correct, j'ai même pas réfléchi. C'est ça qui est arrivé, j'ai pris ça trop spoiler free. Mais non, c'est ça, moi, je vais laisser la place, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je mettrai un bip, JF, et bon. On veut que, pour que au moins le monde sache qu'à ce moment, Steven a spoilé un film. Hey, ben, c'est à mon tour. Je suis curieux. Je m'attendais à ce que peut-être toi, Vicky, ou en tout cas, quelqu'un parle du personnage de la femme dans le couple. À quel point ce personnage-là, moi, ça m'a choqué. À quel point qu'ils ont fait un personnage féminin aussi cruche, aussi... C'est un boulet. C'est un boulet. Elle ne comprend jamais rien. Elle comprend même pas des trucs aussi basiques que... tu sais, dans une épicerie, un restaurant, je sais pas trop, puis elle est assise à la table et elle ne fera rien tant que son mari ne reviendra pas vers elle. Elle ne bougera pas d'ici. Il va y avoir un enfant qui va venir. Elle ne dira presque pas un mot. Va la laisser s'approcher, la laisser repartir, comme si de rien n'était, parce que je suis une femme et je ne peux pas faire de gestes qui pourraient compromettre quoi que ce soit. Ça m'a choqué tout le long. Elle n'était qu'un boulet. Elle créait des trucs cons comme prendre la voiture, la colisser dans un mur parce qu'elle ne peut pas tuer un enfant. À la limite, ça aurait été pas pire, mais je trouvais que c'était comme extrême comme réaction de se mettre elle, son mari et son fœtus en danger pour pas tuer des enfants. Tout le temps, quand elle tombe, tu sais. Elle s'en relève, elle dit je suis capable, dis donc, t'es en danger, puis comme je suis plus capable. C'est pas j'ai mal, c'est pas je suis fatiguée, c'est elle a aucune raison, c'est juste je suis plus capable. Mais voyons, tu sais. Ouais, non, puis elle est toujours clueless, elle ne comprend jamais les situations. Mais ça, c'est de sa faute à lui, ça. Tout, t'sais. C'est lui qui explique rien. Aussi. Oui, mais en même temps, elle a besoin toujours d'avoir des explications. Je comprends pour la barrière de la langue, là, mais elle ne comprend même pas les situations. Puis son mari qui a un enfant et une femme dans des situations dangereuses et qui est même pas qu'est foutu de s'en occuper, qui est toujours parti loin, qui... ça m'a choqué. J'étais comme, voyons, tabarnak. Juste quand ils sont à l'hôtel, là, il vient juste de voir le vieux qui a servi de piñata. Puis là, il revient à l'hôtel, puis il s'en va fouiller dans le grenier en haut. Puis il la laisse tranquille en bas. Les portes sont ouvertes partout. Puis, Elle le parle trois fois, je pense, avant qu'il arrive. Hein? Lui, il est bien relax, là, il fouille. Tout d'un coup, il n'y en a plus de danger. Voyons, donc, tu viens de voir un. Puis il n'est pas capable de dire. C'est ça qui m'énerve. Il n'est pas capable de dire pas en tout ce qu'il voit. Là, d'expliquer les choses. C'est leur dynamique qui marche. C'est leur dynamique de couple, mais elle est choquante parce que justement, tu sais, lui, il dit rien, puis elle peut rien savoir parce qu'elle fait juste savoir ce que lui dit, puis. Elle devient jamais rien par elle-même. Là, non, elle me rend nounoune, elle m'énerve aussi. Là. Mais même durant la télévision, elle voit quelque chose à la télévision, puis elle demande qu'est-ce que c'est, puis le gars commence à écouter, puis après ça, il éteint la télé, puis il explique pas qu'est-ce que ça disait ou c'était quoi exactement. Tu sais, ça même là. c'est tout le long, là, ça m'a choqué. Puis autant, Steven, tu disais que le couple était des bons acteurs, moi, je les ai trouvés mauvais, je les ai trouvés mal écrits. Puis pourtant, à l'opposé, j'ai trouvé que les enfants étaient excellents, avaient un naturel, je te l'accorde. Il y avait des switches de réaction, des fois, chez les enfants qui étaient malades. Après que le gars ait mitraillé tous les enfants et ça a fait tuer, tous les enfants qui pleurent parce que la police arrive, ils font semblant de pleurer. Ouais. Mais là, il y en a une qui se met à rire après avoir pleuré. Qui, avec un visage vraiment... Ben, c'est comme la fille plus principale, la petite fille qu'on la revoit souvent, celle-là. Ouais. Elle, j'ai trouvé écœurante dans certaines de ses réactions. T'sais, les enfants réussissaient à créer des climats de mystère, mais les adultes, je trouvais que des fois, ils réagissaient mal à ces climats de mystère-là. Je veux dire, toute la séquence dans l'église, là, le gars qui voit les enfants dans l'église, mais j'étais comme... T'es-tu déconnecté de la réalité, là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête présentement, là? Tu vois des enfants jouer après un cadavre. Tu vois des enfants qui s'amusent puis qui se cachent dans un confessionnal. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu ne leur parles même pas. Tu les regardes sans rien dire. Je trouve ça drôle qu'ils rentrent dans cette pièce-là où eux autres, ils sont les gars sont tout autour du cadavre de la femme. Là ils rentrent là, les gars s'en vont tous, puis lui, il se met à quatre pattes à terre, puis il check le corps, puis tout, puis t'sais, il est même pas nerveux que les gars peuvent revenir derrière lui, quoi que ce soit. Ou d'aller voir sa femme à lui, Chris. Ben, c'est à ce moment-là, là, ce que j'aurais fait, ça aurait été sacrament, ma femme. Ouais. Et pow, partir à la course, prendre ma femme, on décalisse, c'est funny, vite. Tu sais, là, non, regarde, reste ici, je vais aller voir plus loin, je vais aller continuer à voir s'il n'y a pas des adultes. Tu vois bien qu'il se passe de quoi, fais juste calisser ton camp. C'est quel temps de cliché, là. Dans une église, le lieu de perdition, on danse. Ouais, on... mais ça fait partie de l'époque en même temps, je veux dire, ouais, c'est les clichés typiques de ces années-là. C'était pour choquer, mais la réaction du gars ne fonctionne pas dans cette situation-là. Il a laissé sa femme seule avec son bébé à naître. Puis, tu sais, il y a des enfants chez eux, là, tu sais, qui, parce qu'ils sont partis, ils ont deux enfants, puis ils ont laissé garder, tu sais. Mm-hmm. Tu te dis, voyons donc, tu sais, j'irais pas faire des orphelins, moi, là, j'irais pas. Non, on s'en va d'ici, puis de toute façon, tu vois bien que ton paradis que t'es revenu chercher après 11 ans, c'est plus un paradis, là. Il y a rien de mouilleux. Il n'y a rien là-dedans qui me fait triper et qu'il me donne le goût de rester. Là. Non, tu sais. Après être allé au restaurant, ou en tout cas, j'ai pas trop compris si c'était un restaurant ou une épicerie, puis avoir pris des trucs gratuitement, puis on va se faire un repas, ça va être le fun. Tu vois bien qu'il n'y a pas aucun fun présentement à avoir. L'ambiance de la place est fuckée. Il s'en va à l'hôtel, lui-là, puis non, tu vas voir, on va se prendre une chambre tantôt, puis ça va être bien correct. Mais non, donc, veux-tu bien arrêter, puis juste. C'est-à-dire, je pense qu'on va s'en aller. Là, je la sens pas, la place. Là, j'ai déjà senti des malaises qui m'ont fait partir de des endroits, pas parce que j'étais en danger, mais parce que je fais comme, non, je pense que je suis pas à ma place ici. Puis on sentait que c'était moins weird que ça. Là, non, c'est ça, ça marchait pas. C'est... Mais pourtant, les scènes qui devaient choquer, admettons la piñata, c'était cool. Battre le vieux, c'était cool. Les murs d'enfants étaient impressionnants. C'était, visuellement, c'était cool. Tout ça, mais j'ai jamais cru à ces deux personnes-là qui voulaient s'en sortir. Non. Et voilà. Ça me fait rire quand il est à l'hôtel, puis il reçoit un appel, puis là, il est là, « Speak in English! » Parce que, mais t'es en Espagne, si elle va parler espagnol. Puis en plus, tu parles l'espagnol avec tout le monde depuis le début. Oui, veux-tu bien écouter ce qu'elle dit, tu sais? En plus, c'est des help me. Ben rien oui. Donc, help me, il s'en va voir la femme, il trouve rien, c'est tout saccagé. Calé stalker. Mais c'est ça. Mais juste comme le vieux, là, juste une question vite de même, là, il sortait d'où? Le vieux qu'elle a frappé avec une canne. Tu sais, c'était un pauvre. Il était à côté là, sur le bord du mur, mais ça fait comme combien de temps qu'il massacre tout le monde, eux autres? Comme... Ils l'ont pas vu avant? Il l'a pas vu avant, puis lui, il s'est pas rendu compte de rien. Puis, tu sais, ce que je trouvais bizarre aussi, c'est que, tu sais, les enfants, dans ce jeu-là, qui ont décidé de tuer tous les adultes, ils sont quand même bons pour avoir caché tous les cadavres, là. Oui. Tu sais, puis d'en avoir laissé... Tu sais, il n'y a personne dans les rues, là. Il n'y a pas un adulte qui s'est sauvé, au moins, qui ont essayé de se sauver. Oui, peut-être que tu n'es pas capable de tuer un enfant, mais essaye de te sauver, tu sais. Je veux dire, j'aurais vu des vitres brisées, des portes défoncées, puis des chars qui se seraient rentrés dans des murs, des trucs comme La fille qui a été retrouvée sur la plage, c'est une qui s'est sauvée, non? je sais moi, pas. Moi, j'ai pas trop compris. Ben, moi, j'ai vu ça comme une fille qui a réussi à se sauver, mais qui est morte par erreur. Sur le bord du quai. Ils ont été tués, c'est des pêcheurs ou peu importe. Mm-hmm. Ouais, des nageurs. T'sais. Ouais. Mais ils n'ont pas tout caché non plus. Il y en avait une à l'épicerie qui était à terre. Ils n'ont ouais, laissé, c'est vrai. Ben, tu sais, écoute. Ils ont caché ceux qui étaient dehors. T'sais. C'est ça. Mais en même temps, pourquoi? En tout cas, je sais pas. Pour attirer les adultes, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais, puis la finale, comme tu dis, Vicky, est très prévisible. Moi, de voir les policiers qui sont en train de donner des mitraillettes aux enfants. Hey, aidez-nous à débarquer les mitraillettes du bateau. Sérieux, là? Sérieusement? Tu demandes aux enfants de débarquer des mitraillettes? Tabarnak! Ouais. C'est weird. Ben, moi, je laissais JF en parler, mais je sais pas si vous avez vu, mais c'est exactement la même finale qu'un autre film sorti 10 ans auparavant. Exactement la même finale. Des policiers donner des mitraillettes? Non, pas les policiers donner des mitraillettes. La manière dont le gars, il meurt. Ouais, c'est Night of Living Dead, là. Exactement, ça, c'est Night of the Living Dead. Mais je veux dire, comme Steven a l'air intrigué, moi, je pense pas que c'est des policiers qui... Non, c'est des enfants qui... C'est des adolescents, puis des enfants qui sont sur le bateau, puis qui volent les mitraillettes. Ah, moi, j'avais vu des policiers, excusez. Parce qu'il y avait juste 3 policiers, il y en a un qui a été tué, puis les 2 autres sont partis dans la ville. Ouais, mais quand même, parce que moi, je suis d'accord avec Steven dans le point qu'ils sont vraiment faciles d'atteindre, les gars, là. Je veux dire, ils sont sur le bateau, ils ont juste besoin de rentrer puis ils sont là, tu sais, je veux dire, c'est des guns, là. Mais en même temps, c'était un bateau de policiers, il y avait juste eux autres sur le bateau, il n'y avait pas de manière de penser que quelqu'un allait monter. Encore moins des enfants, justement. Ouais. En tout cas, c'est un point... Ça sert pas à grand-chose de débattre de ce point. Non. Mais ouais, mais tu vois, au moins, tu sais, comparé à Night of the Living Dead, je trouve ça normal que cet homme-là se fasse tuer. Dans cette situation-là, à la place des policiers, tu sais. Où est-ce que les policiers disent arrête, puis lui fait juste aidez-moi en train de calisser des coups de rame dans la face des enfants. Ben ouais, tu tires sur le gars, là. Tu te poses pas des questions, hein. Est-ce qu'il y a... Hey, il a peut-être raison de donner des coups de rame aux enfants? Non. Mais c'est quand même c'est drôle parce que, tu sais, autant le film te demande who can kill a child qu'à ce moment-là, quand il est en train de toutes les mitrailler puis les tuer à coups de rame, tu te dis ouais. Tu dis pas, oh, mon Dieu, ces pauvres enfants. T'sais, non, ils ont tellement été démoniaques du début à la fin que tu peux pas te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu te dis, oui, enfin, tu l'es toutes. C'est comme trouver ce moment-là qui a caché un peu la réflexion que je suis supposé d'avoir. Mm-hmm. Mais c'est drôle, moi, durant cette scène-là, je me disais, fais juste les pousser, pas besoin de les frapper avec la rame. Ça m'a fait cet effet-là. Il remonte tout le temps sur le bateau, même s'il tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ils ont tué sa femme et son kid. Je sais pas, c'est jouissif. Non, mais c'est surtout que j'ai eu la mentalité de me dire, pas besoin de les frapper, puis tu sais, tu voyais qu'il est blessé, puis il saigne de la tête. T'as pas besoin de les frapper à la tête au point de les blesser, c'est des enfants pousselés. Tu sais, déjà là, j'avais le réflexe automatique de me dire, c'est juste des enfants, ils sont pas si forts, pousselés, puis votants. Il y en a là-dedans, c'était quand même des ados, là, tu sais... Même si c'est des enfants, si t'as 10 flots de 14 ans qui sautent dessus, tu vas quand même avoir de la misère de t'en sortir. Ouais, ben, ils ont dans l'intention de te tuer. Mm-hmm. C'est ça que. Puis tu sais, je me disais, ils venaient d'en mitrailler 20. Rendu là, le coup de rame, il est plus choquant. Là. Effectivement. Ouais. Hey, JF? Oui. Ben, moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'avais vu il y a peut-être un an ou deux. Puis. J'avais gardé un assez bon souvenir, mais en le revoyant, c'est ça, puis en vous écoutant parler, c'est vrai que... Tu sais, moi, je le regardais, puis la scène d'ouverture, je trouvais que c'était, comme Steven dit, c'est la fête la plus épurante dans le film pour moi, là, tu sais, voir les enfants qui sont quasiment qui sont squelettiques, là, ça me fait mal au bout, là. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport avec le film, comme vous dites, là, ça n'a aucun rapport avec le reste, tu sais. À part que, ben, tu sais, comme Vicky a dit, ça veut juste nous dire, dans le fond, que les enfants sont des... dommages collatéraux des guerres, puis quand on fait une guerre entre adultes, on n'a aucun problème à tuer des enfants de manière indirecte, tu sais, puis on s'en calisse un peu, mais parce qu'on les voit pas vraiment, c'est des, comme on dit, des dommages collatéraux, mais quand t'arrives face à face avec un enfant tueur, tu peux pas croire, tu peux pas mm-hmm. ton cerveau peut pas dealer avec ça. Dans le film, ça, le gars, il a vraiment de la misère à ce réseau de tuer un enfant. Mais non, c'est ça, c'est un lien assez boiteux, puis... Mais moi, un des points positifs que j'aime du film, c'est que c'est un film qui, moi, selon moi, arrive quand même à créer une certaine tension. Puis il fait ça de jour, tu sais, tout le long du film. Puis les films d'horreur de jour, c'est assez rare, ouais. Tu sais, il y en a quand même quelques-uns, mais celui-là réussit quand même assez bien, selon moi. Mais comme Steven disait, le fait que ce soit un endroit chaud, humide, tout ça, je pense que le fait de le faire de jour, ça servait le film, là, ça, ouais. Toute la chaleur, la sueur, tout ça, là, ouais. Ça rajoutait de l'ambiance. La manière que le village est fait, c'est tout des murs, tout est fermé, c'est un peu claustrophobique, tu sais, c'est un peu... Labyrinthique. Ouais. Ouais. Puis, non, j'aime ça, ben, j'aime le lieu, tu sais, j'irais me promener là, j'aime ça, moi, ouais, c'est juste... côté, je trouve ça beau, là, mais... Tu cherches les adultes, par exemple? Oui, oui. Okay. Mais non, le gros problème, moi, c'était la femme aussi, comme toi, Seb, là, c'était... Moi, elle m'énervait, là, ça... Comment est-ce qu'elle pouvait être aussi... aussi peu forte dans sa tête, là, psychologiquement, puis elle comprend absolument rien, tu sais, elle vient de voir une femme qui bat... Une jeune fille qui bat un vieux, puis elle... Il faut quand même qu'elle demande à son mari qu'est-ce qui s'est passé, puis elle n'est pas capable de faire deux, t'sais, un plus un égale deux dans sa tête. Ouais. Là, puis ça me choquait. Puis c'est ça, lui aussi, le fait qu'il ne disait rien à sa femme, ça me choquait au bout. C'est leur dynamique de couple qui m'énervait, puis j'arrive pas à m'attacher à eux, t'sais, vraiment. Malgré le fait que je trouve ça quand même assez tendu comme film, j'arrive pas vraiment à me soucier d'eux autres. T'sais. Puis à la fin, je suis triste pour elle, mais pas tant que ça. Je trouve que le film aurait pu être meilleur avec des meilleurs personnages, puis... C'est pas, il y a quelque chose, il y avait tous les ingrédients pour faire un bon film, un meilleur film que ça en tout cas. T'sais. Exactement, ouais. Je pense que c'est bien dit ça. Ouais, mais je serais curieux de voir le remake, mais en même temps, j'ai l'impression, juste avoir vu la bande-annonce, que ça avait l'air un peu grossier, MTV-esque. Peut-être que je me trompe, là, mais okay. C'est le feeling que ça m'avait donné. Là. C'est quelqu'un qui l'a vu ici? Non. C'est américain, ça, je pense. Ouais, je pense que ça s'appelle Come Out and Play, c'est tout ça? Ouais. Je pense que oui. Okay. Ouais. C'est beaucoup plus hollywoodien puis typique là aussi, ouais. En même temps là. Mais c'est ça, tu sais, non, je trouve qu'il y a des bonnes affaires, puis les enfants m'ont pas trop dérangé, quoique moi je sais pas, j'aurais envie de dire que je préfère les enfants dans les le village des damnés, là, l'original, là. Tu sais, j'aime mieux les enfants un peu plus creepy, les enfants souriants ça me dérangeait moins, tu sais. Je suis contente que t'en parles parce que moi aussi je trouvais que niveau troupe, le village des damnés me faisait plus peur que eux. Mm-hmm. Puis le village des damnés, les enfants, tu sais, ils parlent, puis ils complètent les phrases des autres quasiment. Ils pensent tout comme une seule personne, tu sais, puis ils se trouvaient ça freakant un peu, là, puis... Ouais. Le film, ben, dans le village des damnés, c'est sûr que le film assume plus une position quant à l'explication des enfants, ou en tout cas, à dire, OK, les enfants sont bizarres, sont possédés, puis ça, il n'y a pas de doute, là. Oui. Mm-hmm. Tandis que là-dedans, bon, il reste ambigu, même si tu peux pas concevoir que des enfants, du jour au lendemain, décident massivement de se rebeller contre tous les adultes de la planète. Là. Mais non, c'est vrai que dans le village des années, ça rajoutait ça. Ouais. Oukinki de Charles, c'est maladroit. C'est pas mauvais à mes yeux, à moi. Là. Je trouve que c'est quand même un bon divertissement. Mais c'est long. Comme Vicky a dit, c'est long avant qu'il y ait... qui se passe de quoi, là, tu sais, la première heure est longue, là, je trouve. Fais juste enlever l'intro inutile, là. Ouais, il durerait une heure et demie, puis ça serait correct. Fais-le arriver plus vite sur l'île aussi, là. Oui. Hey, c'est long, là, le festival, avant qu'il déménage. Elle a acheté ses films pour son appareil, puis aller faire ci, puis aller faire ça, puis... Puis la fille qu'on découvre par les deux ambulanciers, ça, tu sais, oui, ça peut t'intriguer, mais étant donné qu'on sait pas trop ça non plus, d'où ça vient, ben, tu sais, ça vient pas... Ça t'intrigue, mais ça perd tout de suite sa saveur. Ouais, parce que, tu sais, ça te donne tout de suite l'impression que, OK, il va y avoir des meurtres, tu sais. Ben, pourquoi, tu sais? Pourquoi tu me le donnes là? Pourquoi tu me donnes pas l'impression que tout est beau, puis tout est tiguidou, puis qu'on s'en va sur le beau chemin, tu sais? Passe plus rapidement à ça, tu sais. Mm. Je me souviens pas, par contre, je serais curieux de revoir, mais je sais pas si ça a un lien. C'est un enfant qui découvre le cadavre sur la plage, hein? Oui, c'est un petit gros blanc. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il reste un peu de glace en la voyant? Un peu. Je sais pas si c'est un... Non, il pleure pas. Puis si vous riez à petit gros blanc, c'est que moi, je pensais que c'était un miroir à tous les enfants qui avaient faim au Sri Lanka. Ben justement, moi, je suis vraiment resté collé à cette image-là, fait que je pensais qu'il y avait mis un petit enfant un peu chubby. Non, mais ils ont fait par exprès. T'sais, la première chose qu'on voit tout après les enfants qui meurent de faim, c'est du monde sur la plage qui sont tous gros ou presque. Ouais. Pis, oui. Puis ma blonde, on le regardait hier soir, là, elle n'a pas fini le film, mais on l'a regardé hier soir, puis elle a dit, c'est drôle, ça fait du bien de voir une plage avec du vrai monde, tu sais, dans un film, tu sais, ouais. Plutôt que de voir des beaux bodies, puis tout, là, ouais. C'est tout du monde gros, ordinaire, tu sais, moyen, tu sais. Ça fait 13 années 70, là, t'sais. Ouais. Un aspect plus crédible qu'on a retrouvé dans ces années-là. Oui. Crédible, oui, mais peut-être parce que j'étais pointilleuse, parce que ce film-là m'a pas allumé du tout, mais on voit la même actrice de background, la même figurante, comme trois fois. Oh, on la voit, oui, on la voit enlever son costume à grosse cuisse. Après ça, on la voit de profil descendre pour aller voir le cadavre. On la voit quand les ambulances ramassent le cadavre, puis on la voit comme dépasser tout le monde pour aller voir le cadavre qui rentre dans l'ambulance. Je te demandais quand est-ce qu'on allait la revoir. Ben, que ça doit être elle qui tue tout le monde. Moi, je pensais que c'était elle, la tueuse. Puis elle les mange toutes. Mais non, c'est juste parce que... Je dis pas que j'ai vraiment pointé les détails, mais je trouvais que il y avait plein de choses comme le vieux qui se bat à coups de canne, tu sais, c'est quoi, ça fait trois jours qu'il est là, il a tout vu, puis il a décidé de pas bouger. Mm. Puis, tu sais, on dirait vraiment qu'il donne sa canne. La manière qu'on voit la scène arriver, on est au loin, il y a la petite fille qui passe, elle le voit même pas, puis là, il y a une main qui sort du mur avec une canne. Ouais, il a peut-être abdiqué, le gars, tu sais, je sais pas. Ah, peut-être. Il était peut-être déjà semi-mort aussi. Il est peut-être comme l'autre, tu sais, l'autre, il a expliqué qu'il s'est caché ce soir-là, puis il est pas sorti mm-hmm. sa cachette pendant deux jours, tu sais, je veux dire, je sais pas. On peut y trouver toutes sortes d'explications, on peut y trouver toutes sortes d'affaires comme backstory, là. Alors, quelle est la backstory de cet homme? Allons-y! Hey, est-ce qu'on a fait... Vodka, c'est ça? Ah, il lève de brosse, finalement. Ça fait deux jours qu'il est en brosse. Il vient de faire... Tabarnak, j'hallucinais pas. Tout le monde est mort. Ils sont malades, les enfants, ici. What the fuck? À mon tour. Est-ce qu'on a fait le tour, pas mal? Oui, nos recommandations. Oui, nos recommandations. Ben, vas-y donc, JF. Netflix, location, genre. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais il est-tu sur Netflix? Moi, je ne l'ai pas trouvé. Non, je pense pas, non. Mais s'il l'était, ou en tout cas, allez okay. le louer. Puis skipper les 10 premières minutes. Ouais, ouais, exactement. Vicky? Ben, justement, moi, c'était un de mes points négatifs. Il est dur à trouver. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé. La copie qu'on m'avait envoyée, je savais pas qu'il y avait des sous-titres. Fait que j'ai essayé de retrouver une avec des sous-titres. Elle n'est pas à ma bibliothèque, elle n'est pas dans aucun club vidéo, elle n'est pas sur Netflix, pas sur YouTube, pas en location sur YouTube. J'ai fait, il est donc bien dur à trouver ce maudit film-là légalement. Fait que je trouve que ça, c'est un point négatif, ce qui fait dire que si vous avez écouté quelques-uns de mes critiques et vous trouvez pas mal, vous avez le même goût de film que moi, ben moi, je passerais totalement. Steven? Moi, j'irais avec un achat. Parce que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un classique. Il y a ses défauts comme il pouvait en avoir à cette époque-là. On se le cachera pas. Dans ma salle à la tronçonneuse, le gros en chaise roulante, il est poche puis il est gossant. C'est le genre de défaut qu'on en retrouve, mais qu'on peut passer à côté. Et même si, comme je l'ai dit, le couple, il est inégal. Il y a des moments qui jouent pas bien, puis d'autres moments qui jouent très bien. Mais je crois surtout que les personnages sont juste moyennement bien écrit ou carrément pas bien écrit. Ouais. Mais je crois que les deux acteurs sont capables de bien jouer, puis ça m'a pas autant déplu au bout du compte. Fait que moi, je le recommande fortement si vous êtes des amateurs de premièrement de films d'enfants tueurs, mais d'un horreur plus réaliste, plus crédible qu'on a retrouvé des années 80, des années 70, qui me plaît beaucoup pour moi. Puis non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de le revoir. Avec des sous-titres. Parlant de couple, là, je repense juste à la scène où ce qui réussit à s'enfermer dans une petite pièce à la fin, là, mm-hmm. Juste avant que le mari tue le petit gars. Si tu m'as, il aurait dû avoir un dialogue entre eux autres à ce moment-là. Là. J'ai jamais vu un couple ne pas se parler après avoir vu des. Tu sais, après avoir vu tout ça, là. Tu sais, là. Mm-hmm. Qu'ils se parlaient pas. Mais je crois que ça reflète tout le long du film leur relation, comme ils se parlent jamais, ils disent jamais rien. Enfin, je crois qu'au bout du compte, on voit vraiment que, comme Jeff dit, c'est surtout qu'ils aiment pas la dynamique du couple. Ils ont l'air d'être faits de même. Ouais, c'est ça. Ce qui peut être dérangeant pour le point de s'attacher, justement. Il manque un peu un côté attachant au couple, plus agréable, alors qu'on a plus l'impression d'être devant un couple monotone, plate, puis qui se parle pas, puis ça existe. Fait que, tu sais, j'imagine, ok, cool, mais je veux dire, dans un film, c'est pas évident quand c'est le temps de t'attacher. Là. Non, c'est peut-être parce qu'on est habitué dans nos couples à nous, tu sais, d'être amis avec notre conjoint, tandis que ça, c'était encore l'époque de l'homme pourvoyeur, puis l'homme qui doit être le héros, puis. Avant l'ère de la Final Girl, puis tout ça. C'est intéressant, on va pouvoir en reparler dans l'autre film aussi de l'homme versus la femme. Oui. Mais vas-y, Steven. s'ils auraient eu la dynamique de Sébastien et de Marie-Ève, oublie ça, là, tu l'es les enfants, moi je veux qu'ils survivent, tu l'es. Eh ben moi, ça serait une location aussi. Ben moi, je suis chanceux, il est là au club vidéo à côté de chez nous, donc ça n'a pas été compliqué du tout. Ouais, donc, location, skipper les 10, 15, 20. Laissez-la aller jusqu'au sur l'île, puis rendu là, s'il vous plaît. Vous allez vous faire un grand, grand bien. parce que je pense que il n'y a aucun build-up avant l'arrivée sur l'île. Là. Je pense pas qu'il y ait une scène qui sert à quoi que ce soit. Même pas à les montrer ensemble vivre leur couple. Leur couple n'existe pas. Donc, on dirait deux étrangers qui se voient pour la première fois. tu sais, un homme puis une femme enceinte qui se seraient rencontrés sur l'île, là, chacun de leur bord, aurait eu une meilleure dynamique, je crois. Donc, hey, ouais. Sur ça, notre ami Pierre, même s'il n'est pas avec nous, il nous donne quand même une suggestion musicale. Donc, toujours présent. Oui, vas-y. Es-tu présent? Es-tu capable de chatter un peu avec lui? Parce que ce qui serait le fun de savoir de son opinion, parce que moi, un autre film, sauf que ce film-là m'a rappelé, mais je suis pas capable de me souvenir du nom du film, mais c'est un de ses films préférés, là, tu sais, le gars qui se bouffe l'estomac, là. Apophagus. Non, c'est ça, là. Bon, ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça, moi, le début du film, l'île, les structures du village, puis l'ambiance. Ah, mais non, mais peu importe, c'est juste que je trouve que c'est le même genre de film. Si Pierre aime beaucoup ce film-là, il doit beaucoup aimer ce Who Can Kill a Child, c'est ça, je voulais dire. Fait que ça serait peut-être de fun de voir son mais opinion. C'est drôle, j'ai beaucoup pensé pour l'aspect désertique puis le village qui fait très espagnol, italien. Mais je crois qu'en tant que film, c'est quand même différent de Anthropophagus. Mm-hmm. Là, mais il y a sûrement des points comme ça qui pourraient plaire à Pierre, effectivement. C'est ça. Ouais. J'étais curieuse. Donc ben, je lui demande, on pourra, dans notre résumé final, avoir ses commentaires. Donc, Jeff, tu nous mettras ça dans tes... Dans le montage, il nous parle de Ghost qui ont sorti leur nouveau single de leur prochain album. Il dit que ça s'appelle Circe et l'album c'est Meliora. Donc on va aller écouter ça. On sait pas c'est quoi. See through the scars inside you. Can't you see that you're lost without me? I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the stars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through. Donc, on est de retour avec le deuxième film de ce spécial Enfant tueur, et c'est un film de 1956 qui s'appelle The Bad Seed, ou juste pour faire rire les gars, Ago, en français, La mauvaise graine. C'est donc bizarre, Vicky rit pas. Non, vraiment pas. Eh, hey, pas bon. Trop. Bon, donc, check le féministe, là. Frustré. Donc, c'est un film réalisé par Mervyn LeRoy. C'est basé sur une pièce de théâtre écrite par Maxwell Anderson. Basé sur une pièce de théâtre ou un livre? J'ai un blanc. Je sais le que livre vient avant théâtre. La pièce. Oui, ouais, j'imagine. Je crois que le livre vient avant la pièce. Donc, excusez-moi, je n'ai pas l'auteur du livre. Et c'est écrit le film par John Lee Mahin. Et ça met en vedette Patty McCormick et Nancy Kelly. C'est-tu bien ça? Ouais. Nancy Kelly. Je ne sais pas, Jean-François, tu connais peut-être ces actrices-là? Non. OK. No. Parce que c'est ça. Regarde, quand on ne sait pas, on demande à Jean-François. S'il ne sait pas, ça veut dire que personne ne le sait. Et voilà le truc. Ça raconte l'histoire de Christine, la mère de la petite Rhoda, qui commence à suspecter sa petite fille de ne pas être l'ange qu'elle croit. En effet, sa petite fille serait peut-être impliquée dans la mort d'un camarade à l'école, et peut-être plus, c'est ce que le film va nous dire, et c'est ce que les spoilers qu'on va vous dévoiler vont vous dire aussi. Alors, on commence avec GF, vas-y. Moi, c'est un film que c'était encore là ma deuxième fois que je le voyais. La première fois, c'était peut-être l'année passée ou l'hiver passé, en tout cas, peu importe. Mais j'avais beaucoup, beaucoup aimé, puis pour ça, je voulais qu'on le fasse à l'épisode. Je trouvais que c'était un film vraiment intéressant pour un vieux film en noir et blanc, puis un vieux film des années 50, puis tout. Puis je trouve qu'il va dans des zones auxquelles on ne s'attend pas en tout. Puis même, je trouve que 60 ans plus tard, ça reste extrêmement dark comme film par moment. Et donc, première impression, première fois que je l'ai vu, c'était que c'était trop théâtral, puis ça me gossait. Mm-hmm. Puis j'aimais pas le jeu de la mer. Mais Surtout au début, la première demi-heure, je me rappelle, je détestais la mère, puis Amine, c'est ça, j'aimais pas son jeu, son débit, puis Rhoda, puis sa façon de, tu sais, vraiment de... Ouais. De livrer ses lignes. Ouais. Puis, mais genre, je suis venu qu'à longue, j'aimais ça, puis à ma deuxième écoute, je me suis rendu compte que... OK, c'est le téléphone à Steven, ça. Sorry. Mais... Ma deuxième écoute, je me suis rendu compte que ça me manquait, mais que dès que je l'ai entendu sa voix, j'ai fait « Ah oui, je me rappelle de son débit, puis j'aime ça. » Tu sais, finalement, je me... Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer comme du monde. Mais tu dis c'est très théâtral. C'est quand même les deux actrices qui ont joué la pièce de théâtre avant et qui ont gardé pour le film. Oui, puis il y en a deux autres. Celle qui fait la mère du jeune qui est mort, là, je pense, Madame Daigle. Je pense que c'était... Oui, Daigle. Hortense Daigle. Daigle, ben, je vais dire Daigle. Parce que... Mais puis je pense que la vieille aussi qui reste en haut. Ah, OK. Je pense qu'elle était dans la pièce aussi. OK. Sinon, c'est ça. J'aime beaucoup la petite. Elle est vraiment... haïssable trois quarts du temps. Là, j'ai envie d'être quasiment violent avec elle des fois. Là, c'est comme, t'as envie de la frapper. Là, tellement qu'elle est menteuse. Là, quand elle commence à caresser sa mère sur le visage, là, c'est comme... C'est freakant, puis en même temps, c'est choquant. Puis tout, t'as envie de la brasser. Puis je veux pas être violent qu'un enfant, mais c'est comme elle, là, elle est troublée. Là, elle a vraiment un problème dans la tête. Là, puis... Je sais pas, ça me plaît vraiment beaucoup dans l'ensemble, ce film-là, puis on a parlé tantôt des relations hommes-femmes dans ce film-là, je pense que c'est là que tu voulais en venir, Sébastien, c'est que les hommes sont vraiment absents dans ce film-là. Le père, en particulier, il est pas là pantoute, là, il part au début, puis il revient à la fin, puis il est complètement absent, puis l'homme qui est le plus présent dans ce film-là, c'est l'homme à tout faire, qui est pas vite, là, qu'il y a un problème, mais en même temps, il est capable de voir au travers de Rhoda, puis de son jeu, puis tout. Puis, Ça m'a fait penser au simplet jardinier classique, là, genre, on l'avait dans The Hand Who Rock the Cradle, là, la main qui berce l'enfant. Là. Je me souviens plus quel acteur qui le jouait, mais c'est souvent ça, là, le jardinier simplet, l'homme pas trop intelligent, mais que lui, il comprend ce qui se passe, tu sais. Puis sa relation avec Rhoda est intéressante, tu sais, que t'aies des années 50, un adulte comme ça, dans quarantaine, cinquantaine, je sais pas, qui parle comme ça avec une petite fille, tu sais, puis c'est vraiment franc, puis c'est vraiment « Hey, toi, je vais te dénoncer, tu vas aller sur la chaise électrique, puis tu sais comment est-ce que ça fait la chaise électrique, là, tu sais, puis ça fait zzzz, puis de même, puis tu sais, c'est vraiment cru, là, comme dialogue, puis les images que ça évoque, puis tout, tu sais, puis je pense tout le temps à l'époque. C'est sa façon à elle de le confronter. Ouais, c'est ça. Dans la suite. Elle est vraiment adulte, puis c'est intéressant. Tu sais, j'ai écouté un petit peu les 20 premières minutes peut-être du commentaire audio, puis c'est elle qui parle sur le DVD, puis elle disait qu'elle a fait genre 300 performances de la pièce là, avant de faire le film, tu sais. Fait que, tu sais, elle connaissait le personnage, tu sais, puis je pense que ça a beaucoup aidé pour le film. Là, je sais pas comment ce qu'elle était au début quand ils ont commencé la pièce, les premières performances, mais je pense que elle connaissait par cœur le personnage, puis elle l'habite vraiment, tu sais, elle devient vraiment Rhoda, puis on vient vraiment qu'à la détester. Là, puis... Le film repose sur ses épaules à elle. Si elle est pas solide, puis elle n'est pas crédible, ça marche pas. On passe deux heures à s'emmerder épouvantablement. Oui. Ben, s'emmerder, oui, j'imagine, oui. Quoi que c'est ça, moi, je trouve les personnages sympathiques. J'aime beaucoup la madame, justement, la mère du petit Claude, là, qui surjoue la madame chaude. Là, mais... Elle est tellement géniale. Mais je l'aime, elle est fun. Oui. C'est le personnage qui est le fun. C'est pas tant la performance que le personnage. Ben, la performance, oui, là, mais le personnage est le fun. Puis elle dit tout, elle, ce qu'elle pense. Puis elle arrive, puis elle est à côté de l'institutrice, puis elle dit... Tu savais qu'elle a se teint les cheveux, puis c'est comme « Oh my God! » Oh mon Dieu, ouais, c'est ça! J'ai tellement aimé ça, là! Ta-ta-ta! Gros scandale! C'est la grosse bitcherie de ce film, là, Mais sinon, les hommes, c'est ça, c'est intéressant, parce que les hommes sont vraiment... Ils servent pas grand-chose dans le film. Ils vont servir à expliquer des trucs, comme le gars qui s'intéresse aux histoires criminelles. T'as le père, puis t'as le père, t'as le grand-père dans le fond de Rhoda, puis t'as son père, puis tout. Ben, écoute, je sais pas si je vais laisser Vicky ou Steven, aviez-vous quelque chose sur les hommes ou je challenge Jeff là-dessus? Quelque chose sur quoi? Sur les hommes de la pièce. Sur les... ouais. Avez-vous quelque chose sur les hommes, vous autres? Sur les hommes dans le film? Non, tu dis ils servent à rien. Moi, j'ai trouvé qu'ils servaient au contraire à rabaisser tout le temps cette femme-là, à lui dire « Voyons donc, tu dis là, toi, t'as pas rapport, t'es rien qu'une femme, tu peux pas commencer à te poser des questions là-dessus, tu connais rien, tu sais, l'idée de bâtir, est-ce qu'on peut hériter? » Parce que oui. C'est un peu ça la question oui. du film, c'est que la mère se demande « Est-ce que ma fille a hérité des gènes de tueuse de... » sa vraie mère, tu sais, de ma vraie mère. En tout cas, là, ça devient complexe. Ouais, c'est une grosse histoire, c'est un gros plot point dans le film. Ouais, c'est un sideline, dans le fond, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film, qui veulent se faire spoiler, c'est que la mère de la petite fille apprend qu'elle elle-même a été adoptée, puis elle serait la fille, dans le fond, d'une tueuse célèbre. Ouais. Donc, elle pense que sa petite fille à elle aurait hérité des gènes de cette tueuse-là. Puis quand elle essaie d'amener cette discussion-là, c'est tout le temps... Non, on devient meurtrier juste si on est pauvre, puis si on est mal éduqué, puis si on vient d'un endroit mal famé. T'as pas d'affaire à te poser des questions là. Tabarouette, il y en aurait encore plus des meurtres au Québec. Parce que son père lui dit ça, mais il y a un psychanalyste qui lui dit qu'il y a des théories là-dessus. Mm-hmm. Oui, mais. Il y a quand même un homme qui dit que c'est possible. C'est vrai, t'as raison. Le père de la petite Roda se prononce pas parce qu'il sait pas. C'est parce que je t'ai resté en tête aussi avec le bout qu'il revient avec le docteur à la fin. Fait, docteur, j'ai une petite question pour vous. Là. Est-ce que c'est plausible? Puis, non, ça n'a pas rapport à ce que vous dites là. Ouais, mais l'autre homme qui disait le contraire, il n'était pas présent aussi dans la scène finale que Vicky parle? Ouais, mm-hmm. Mais je pense qu'il veut juste plus en parler. Il y a une année, il dit, je pense qu'on n'en parlera plus. Là. C'est un sujet de chicane. Mais t'as raison, Vicky. Et encore là, je veux pas trop rajouter, mais. Quand, justement, le grand-père en question, qui a la théorie comme quoi ça se peut pas parce que c'est le milieu social, il demande au médecin, mais on s'entend que ce père-là est populaire. Il est connu, on le dit déjà depuis le début du film, c'est un journaliste très reconnu. Ouais. Là, tu te dis, est-ce que le médecin voudrait peut-être juste être du bord du journaliste reconnu? Tu sais, il voudrait peut-être juste pas s'ostiner avec, tu sais, je veux dire, sa fille est à la table d'opération... Lui, il pose une question vraiment bizarre. Il a peut-être juste envie de le rassurer, puis tu sais, de pas le confronter dans ses idées, puis de le réconforter peut-être aussi, parce qu'il lui met la réponse en bouche. Ouais, il dit, voyons, ça se peut pas, ça. Confirme-moi que ça se peut pas, tu sais. Pas fou. Parce qu'il sait très bien pourquoi qu'elle la pose la question, là, parce qu'il sait... Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, excuse-moi, Jeff, tu peux... Non, mais moi, en gros, tu sais, pour faire un résumé, c'est ça. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui pose des questions très intéressantes, qui soulève des trucs vraiment très intéressants. Puis son gros point négatif, pour moi, c'est le côté très théâtral, mais ça devient un point quasiment positif parce que je l'associe au film en tant que tel, à ce film-là, puis c'est une expérience que j'aime vivre, que le film, j'ai envie de le revoir et de le revoir, puis je me tanne pas. Puis j'adore la finale, c'est tellement dark. J'arrivais pas à croire que le film aille dans ces zones-là vraiment aussi loin que ça. Oui. Puis surtout à cette époque-là, tu sais, c'est pas banal, tu sais, c'est pas fréquent à cette époque-là, puis je trouvais que c'était... C'est vraiment très intéressant. Puis on n'en voit pas tant que ça encore. Je sais pas, faudrait que j'y pense vraiment. Là. Tu mets des films plus récents qui vont dans ces zones-là. C'est quand même pas si fréquent que ça non plus, je pense. Non, souvent. Disons-le, c'est que dans le fond, à la fin, la mère donne des... Des pilules, des somnifères à sa fille en lui disant que c'est des vitamines. Donc, elle essaie de la tuer avec ces somnifères-là. Puis ensuite, elle va se tirer une balle. Puis, la petite fille ne meurera pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, faire ça, c'était fou. Ça me va me faire penser à un certain point à la fin de Damien. Damien, de The Omen, dans le sens où je dois me sacrifier pour tuer cet enfant-là. Mais on est ailleurs, là, mais je sais pas si vous voyez. C'est très dark, il n'y a pas d'happy end. Là. C'est vraiment ça finit dark. Là. C'est comme la mère voit plus de sortie à ça. C'est si j'assume que mon enfant a fait tout ça, je peux pas vivre avec ça. Surtout qu'elle l'a pas dénoncé avant, puis elle se demande si c'est ça qui aurait causé la mort du jardinier, dans le fond. Cette mort si décrite en beaucoup de lignes sans la voir. Mais je sais pas si j'aime vraiment les deux, tu sais, la dernière minute, mettons, les derniers. C'est ça, j'allais dire, l'épilogue, est-ce qu'elle détruit de bord cette idée-là de fin? Parce que j'aurais aimé ça que ça se termine avec la petite fille qui est sur le bord de se coucher, puis qui demande, tu sais, qui parle avec son père, puis que tu vois que dans sa tête, elle est en train de faire le plan de tuer la madame qui est en haut, tu sais, pour avoir... Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut avoir, là, mais... Elle veut avoir... Son oiseau, c'est vrai, c'est ça. Si vous avez lu un peu sur le film, c'est la fin originale de la pièce et du livre. Non, j'imagine. C'est... Et pour le film, ils ont été obligés par la censure de terminer ça, parce que pour de vrai, la mère meurt dans le film et dans la pièce. Elle ne se manque pas. Et la petite fille, à cause, pour la même raison, elle vit parce que les voisins ont entendu le coup de feu, puis ils ont réussi à arriver à temps pour la sauver. Puis elle planifie son coup et ça se termine là. Mais la censure ne permettait pas au crime de gagner à l'époque. Okay. Donc la mère ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'il y a cette scène de réconciliation entre elle et le mari qui lui pardonne tout, même si elle a dit « j'ai commis un crime... » un péché mortel. Ouais. Et puis la petite fille qui s'en va se faire tuer par Dieu, finalement, à grand coup d'éclat à sa gueule, sur le bord du kick. Et elle, c'est vraiment parce qu'elle veut avoir sa médaille. Puis oui, elle veut avoir sa médaille que la mère a tirée dans le lac. Là, ouais. Et Dieu la punit. Mais non, c'est ça. Oui, ça fait très bizarre comme fin, parce que quand la mère se tire, tu te dis, bon, ben, coudonc. Ça se termine de même, puis là, oups, là, non, quoi, que c'est ça, c'est quoi cette affaire-là, c'est bien bizarre. Moi, je pensais que la petite fille, quand elle part pendant la nuit, je me disais, elle s'en va pas à l'hôpital, elle allait tuer sa mère. Hein. Oui, tout, c'est ça, je me disais. Là, je me disais, si c'est ça, c'est complètement dark, ça, c'est encore pire. Mais non, ça va se faire tuer par Dieu. Donc, et quoi dire de ce générique qui suit? Oui, oui. Ben, ça va avec la tradition théâtrale du film, là, la pièce, je veux dire, le côté théâtral. Ouais, de la mais pièce, le tapage de fesses. Oui, il y a ça, c'est vrai. Vous avez écouté La mauvaise graine avec un tapage de fesses à la fin. Ma blonde a voit ça et elle a dit c'est très awkward. Mais en même temps, j'ai dit c'est l'époque, c'est 56, je veux dire. Mm-hmm. Moi, je suis né en 77, j'ai eu des tapes sur les fesses aussi, tu sais, quand j'étais jeune. Tu sais, je veux dire, je défends pas ça, là, mais c'est l'époque, là, tu sais. Ah oui. Je sais pas si c'était vraiment awkward pour les gens qui regardaient ça en 56. Non, on dirait qu'en même temps, c'est là pour alléger, tu sais, c'est comme vous venez voir un film vraiment d'oeil, fait qu'on va... Ouais, viens, t'inquiète, toi, puis, tu sais, c'est... On est amis, on a rigolé, on s'est amusés. C'est vrai, c'est une actrice. Ça fait genre trois ans qu'ils font la pièce. Elle dit dans le commentaire, elle dit, c'était les meilleurs amis du monde, ces deux-là, tu sais. Ça. Puis, personne n'a été maltraité durant le tournage de ce film. Exact. T'sais, puis, t'sais, là, on pense juste à les fameuses histoires qui citent au Québec quand le film de horreur est sorti. Ouais. Celle qui jouait la mère qui martyrisait sa petite fille, ça faisait crier des insultes dans la rue. On se questionne pas pourquoi ils ont besoin de faire une fin comme ça en 1956 pour un film aussi dark. T'sais, ouais. Là, c'est ta-da-ta-ta-da-ta, poète. Regardez, nous sommes des comédiens. Tout est beau. Là, c'est fini. Mm. Mais cherchez là, ceux qui nous écoutent là, sur internet, on peut le trouver là, The Bad Seed Credit Ending là. Puis il y a même en plus l'écriture qui dit ne dévoilez pas le punch de ce film là, n'en parlez pas, laissez les autres avoir la surprise. C'est bizarre. C'est dans le trailer aussi. Puis tu sais, je trouve que c'est le fun, ça vient genre 5-6 ans avant Psycho de Hitchcock qui lui faisait la même chose. Lui, je pense que c'est Hitchcock lui-même qui apparaissait dans le trailer, je sais pas trop quoi, qui disait aux gens de pas dire la fin du film. Oui, c'est vrai. Ben c'est Hitchcock dans le trailer de Psycho se promène sur le set de Psycho, il fait alors c'est ici que la mère a été tuée, alors c'est ici qu'il va se passer telle affaire, c'est ici qu'il s'est passé telle affaire. Mais n'en parlez pas. Non, mais en tout cas, c'est weird, là, comme les autres, ils ont fait ça avant, tu sais, c'est cool. Ouais, c'est quand même cool. Mais c'est ça garde tout son aspect théâtral, même jusqu'à la fin, tu sais, avec les salutations, puis... Ouais, c'est ça, le salut au public. Le petit plan au début qui fait comme écho à la fin, je veux dire, qui fait comme nous placer l'action de la fin, je trouve qu'il est inutile, parce que je le comprends pas au début, tu sais, puis tu passes une heure et demie à pas vraiment... à l'oublier, anyway, là, tu l'oublies. Le plan du début, tu vois le quai. Le soir. Ah, ok, je me souviens. Le soir où est-ce qu'elle va mourir, tu sais. Okay. Ah, je m'en souviens même plus. Le premier plan de tout, c'est la nuit, okay. Le soir où est-ce qu'elle va mourir, mais tu comprends pas ça. Tu le finis par l'oublier parce que. Mais je trouve qu'il est inutile. Tu le couperais, là, puis. Ouais, ça changerait rien, tu sais. Est-ce qu'on passe à Steven? Ouais, Jeff, il a pas mal dit plusieurs de mes points. Je trouve ça drôle. En fait. De bêtises, j'avais lu que c'était comme un peu le premier film qui parlait un peu de la thématique d'enfant tueur. Je sais pas si c'est vrai automatiquement, parce que je croyais que c'était Village of the Dam, il a été fait par la suite. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un film que moi personnellement, j'avais pas beaucoup entendu parler de bâtis. Première chose que je vais dire, je trouve que l'aspect théâtral, moi, m'a beaucoup dérangé comme GF. Je sais pas si c'est parce que c'est mon premier visionnement comme lui, mais on est souvent habitué au bras de fer des films, de regarder des films des années 40, 50, 60, puis on est habitué à l'aspect théâtral qui faisait partie de l'époque, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pire que d'habitude, puis c'est plus gros, puis ça m'a vraiment achalé. J'ai eu beaucoup de la misère avec la mère également. Autant par moments, je me disais « Wow, elle joue terriblement bien », autant des moments mélodramatiques, est-ce qu'elle me tapait ses nerfs? C'est comme, à un moment donné, elle faisait juste tout le temps broyer à chaque 2 secondes, puis de manière interminable, au point que ça venait gossant sans rien faire, sans réagir. À un moment donné, je trouvais ça long à la longue, puis fatigant, ça m'a juste énervé au bout du compte. Mais ça, c'était mon impression, ma première impression. Après ça, je suis venu à aimer ça, puis j'associe ça au film maintenant, parce que j'entends sa voix, j'entends son débit, son genre de... Rhoda, puis tout, puis c'est comme, je pense tout au film, puis c'est comme, ça me remet là-dedans, puis j'adore, j'aime ça maintenant, tu sais, ça, je sais pas, c'est musical, sa voix, là, il y a quelque chose de... Mais elle, sa performance, c'est même pas en termes de débit que ça m'a dérangé, c'est vraiment dans l'aspect dramatique, c'est là que c'est venu me jouer, je trouvais qu'elle, c'est difficile, je sais pas si on peut dire ça, de cette époque-là, surjouer, mais je trouvais que c'était comme trop... autant comme la fille alcoolique, sauf que la fille alcoolique est vraiment le fun durant cette scène-là, fait que ça dérange pas. Là, je vais un petit peu avec les points positifs. Aussi, le film dure 2h09. Je trouve que c'est un petit peu long. Je me suis un petit peu ennuyé par moment parce que je trouvais que chaque scène du film est étirée. À chaque fois que tu as un dialogue ou une scène avec quelques personnages, c'est une scène qui dure quasiment 5 minutes et plus, des fois 10 minutes. J'ai l'impression qu'ils ont mis la pièce au complet, mot pour mot. C'est ça, ouais, c'est le défaut de la mauvaise adaptation du théâtre au cinéma. Ben, c'est ça le problème parce que... Tout le film se déroule dans la maison, alors qu'au début du film, on nous montre un plan du quai puis de la ville. Je me dis, OK, intéressant visuellement, mais ensuite, on reste coincé dans la maison. Puis c'est cet aspect-là théâtral, moi, qui est venu me gêner dans les performances puis dans le décor. À un moment donné, je me suis tanné de ce décor-là. Puis on va pas plus loin que ça, on reste dans la cour. Tu changes jamais de côté. Hein, t'as l'entrée de gauche, l'entrée de droite, puis tu changes jamais vraiment de côté dans le salon. Non, là, tu vois, non c'est ça. Il aurait pas tourné sur scène. Ouais, c'est ça. Voilà, la fin du plateau. Non, c'est vrai, le plateau de tournage finit là. Ah oh, ouais. Mais lui, il aurait pu carrément tourner sur scène. Oui. Par contre, là, c'est le plus intéressant. La petite jeune qui fait Rhoda est vraiment bonne, elle est charismatique au bout. Au départ, je me disais comment elle peut avoir l'air maléfique, cette actrice-là. J'y croyais pas trop. Je me disais en 1956, comment ils vont arriver à faire de quoi qui arrive à être dark. Puis c'est là, je pense, le point fort du film, c'est que. C'est surprenamment noir et très dark pour un film de 1956. Vous en parliez la fin tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu venir pantoute. Moi, personnellement, la dernière scène est mauvaise. Je ne l'ai pas aimé pantoute. Puis je trouvais que ça aurait dû finir au moment du coup de feu. Si ça aurait fini là, j'aurais dit « Wow, fin parfaite ». Puis sérieusement, ça prenait des couilles en 56 faire ça. C'est pareil, tiré d'une pièce de théâtre. Mais dans un film, je trouve que c'est couillu de faire ça. Là. Dans le livre, ça se termine avec le discours entre le père et la fille. Où est-ce qu'elle lui parle de l'oiseau. Où est-ce que tu fais comme, OK, shit. Sa mère est morte. Elle a été sauvée par les voisins. Puis là, elle planifie d'aller tuer la femme d'en haut. Mm. Ça aussi, c'est quand même c'est dark nice. Comme fait. Très nice. Ouais. Sinon, j'aimais beaucoup aussi l'espèce de... je me rappelle plus si c'était une tante ou la genre de bonne de la maison ou la tante ou je sais pas trop qui est toujours là. Je la trouvais fun comme personnage. C'est un des personnages qui me plaisait le plus. Le jardinier, j'ai eu de la misère avec lui. En même temps, je peux pas dire que c'est cliché parce que c'est un film de l'époque, mais je veux dire, on a tellement vu de films par la suite que c'est un personnage-là, je l'ai vu 1000 fois. Je le trouve un petit peu gossant à longue, comme disait Sébastien, le simpliste qui pige tout, que tout le monde voit rien, mais lui, il voit qu'elle est diabolique. Puis, c'est venu m'achaler un petit peu. Mais sinon, j'ai trouvé le film vraiment intéressant au niveau de son histoire. J'ai trouvé des twists qui sont bienvenus, justement, le passé avec la mère qui découvre qu'elle avait été adoptée, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça rajoute à l'aspect dark. Le noir et blanc est très réussi également. J'ai bien aimé la réalisation. Il y a des bonnes scènes. Sinon, globalement, non, c'est ça. Je pense que, bah, tu sais, j'ai vraiment apprécié ça, malgré quelques trucs qui sont venus beaucoup m'achaler. Ça m'a surtout surpris pour un film de 56. Je ne veux pas juger, puis j'adore les vieux films, mais vraiment, un film de 56, avoir cette trempe-là, puis ce côté-là dark, il fallait vraiment oser, puis ça m'a beaucoup surpris. C'est ce qui m'a plu. Le film contient une des scènes d'enfants les plus creepy, puis qui me donnait des frissons le plus haut, c'est lorsqu'elle commence à gambader, puis moi aussi je pensais qu'elle s'en allait à l'hôpital comme Sébastien, puis elle fait juste à côté la flashlight sur la barrière de bois, puis elle gambade, elle s'en allait faire quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit. Moi, cette scène-là, je l'ai trouvée écœurante, c'est comme j'adorais ça. Malheureusement, je pensais qu'elle allait à l'hôpital, mais elle l'a pas été. Je pense que ça aurait été encore plus dark, mais je pense qu'il faut pas pousser la note non plus. Non, ben, de toute façon, cette scène-là a été rajoutée pour qu'elle puisse payer, donc c'est impossible que ce soit ça. Ah, ok. Mais je pense que par rapport au jardinier, c'est intéressant parce que lui, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un dit qu'il a l'esprit d'un enfant de 8 ans, puis lui, il voit clair dans son jeu parce qu'il n'y a pas les. Il n'y a pas les filtres que les adultes ont dans son regard, dans sa manière de voir le monde. Lui, il voit ça comme un enfant, puis il perçoit très bien le jeu de Rhoda. Tandis que les adultes, ils se disent tout, un peu comme on disait tantôt, les adultes virent ça du revers de la main. Ben non, ça se peut pas qu'un enfant soit comme ça. T'sais. On voit ça qu'un monde d'adultes est logique et tout ça. Tandis que lui, il pense vraiment comme un flow, puis des enfants, ça pense plus large un peu peut-être qu'un... Il y a un moment donné, la mère qui demande à la genre de maîtresse d'école comment aller avec les autres enfants. Puis les autres enfants, ils se mélangent pas beaucoup avec. Fait que tu sens que les autres enfants en ont probablement peur. Là, ouais, puis elle dit quasiment de mimo là, que ça, sa fille, elle n'est pas aimée pantoute à l'école. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, les autres enfants en ont peur, mais l'autre, parce que c'est un adulte, il voit juste dans son jeu, sauf qu'il en a pas peur parce que c'est comme, garde, j'ai trois fois ta taille. Là, c'est ça. Tu peux pas m'atteindre là, comme tu peux atteindre un autre enfant. Steven, as-tu terminé? Sinon, je voulais mentionner une autre scène que j'ai beaucoup aimée avant de terminer. Justement, lorsque elle brûle à coups d'allumette le jardinier, je trouve que cette scène-là a vraiment une bonne tension parce qu'au moment que le gars est en feu, la fille se dirige dans sa chambre pour aller jouer du piano. Plus que la scène avance, plus le rythme du piano devient rapide. Le volume. T'es fatigué d'entendre Au clair de la lune après le film. T'es fatigué. Ah, ouais, vraiment. Comment virer Au clair de la lune, creepy? Oui. Puis elle revient souvent. À chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, c'est tout le temps Au clair de la lune qui revient. C'est assez... Puis on voulait faire un petit lien avec le fait qu'elle est morte au clair de la lune, j'imagine. T'sais, le premier plan de tout, c'est on voit la lune qui flotte sur l'eau, qui reflète sur l'eau, puis... Elle dit à un moment donné, ça veut dire by the light of the moon, quelque chose comme ça, tu sais. Mm-hmm. Oh my god, ouais. Oui, mais en même temps, ça doit être comme beaucoup de comptines. Je connais pas toutes les paroles, mais ça doit être comme beaucoup de comptines qui sont super pour enfants, mais quand tu analyses les paroles, ouais. Tu fais comme, ouais, c'est un peu tard. Je les connais pas toutes, là, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, ça finit pas mal là. Mais tu sais, peut-être que le reste des paroles, c'est super triste quand on y pense, là. Peut-être, ouais. Je sais pas, je serais curieux. C'est un bon point que tu soulèves là. Wikipédia. Et voilà. Donc, mais sinon, c'est pas mal tout pour moi. Vicky! Yes, c'est à mon tour! Ben, moi, en fait, quand j'ai écouté The Bad Seed, la première chose que j'ai faite, c'est encore un vieux film difficile à trouver. Comme dans Who Can Kill a Child, j'ai fait comme, ben voyons, tu sais, c'est un sujet assez contemporain quand même, les enfants de tueurs, puis il y a plein de films récents là-dessus. Puis les gars ont choisi deux films assez vieux. Mais voyons, OK, c'est correct, on va y aller. Pas les gars, le public. Le public, mais tu sais, je pense que c'était gros dans vos choix, moi les miens, c'était ouais, pas... Ouais, on les a fait influencer peut-être un peu. Un petit peu. Mais c'est le fun de se challenger et d'organiser les vieux films. Mais c'est ça, exactement, parce que, tu sais, c'est pas que j'aime pas les vieux films du tout, là, depuis tantôt j'en cite, mais là, j'ai commencé avec Who Can Kill a Child, puis j'ai détesté. Fait que là, j'étais là, fuck, un autre vieux film, tu sais, est-ce que j'aurai encore de la misère, puis je vais être capable de dire aux auditeurs de s'intéresser à ça, parce que je trouvais qu'il était quand même pas facile à trouver, pas facile à se procurer, et j'ai dit, tu sais, ça va être poche, un épisode où les deux films, je les déconseille, puis que les deux films, je leur dis, c'est dur à trouver, passez outre si vous les trouvez pas proche de chez vous. Et finalement, j'ai vraiment aimé The Bad Seed, j'ai trouvé beaucoup de qualité. C'est sûr que je veux rentrer tout de suite en disant que le film, il est 2h20, et les amateurs d'horreur, je dirais purs, dans le style de massacre ou gore ou sanguignolant, vont être déçus. Oui, passez à côté. C'est ça, c'est vraiment pas votre genre de film. Si vous, dans l'horreur, ce qui vous fait triper, c'est le sanguignolant. Si dans l'horreur, vous êtes capable d'élargir avec le drame d'horreur ou autre type où le sujet est horrifique, mais pas l'image, l'image n'est pas graphique, vous pouvez vraiment vous intéresser à The Bad Seed parce que moi, j'avais pas lu le background, fait que pour moi, c'était pas théâtral, je trouvais que ça avait l'air d'une sitcom. Moi, l'impression que j'avais, c'était sitcom parce que je savais pas que ça avait un background théâtral comme vous l'avez mentionné. Quelqu'un plus tôt. Ouvre la porte et ça se met à applaudir. Ouais. C'est quasiment ça parce que quand la tante elle ouvre la porte, il y a tout le temps une pause ou presque. On dirait qu'elle attend quasiment les applaudissements. Même chose avec l'alcoolique, Hortense. Et comme dans une sitcom, on utilise le plateau. On va de gauche à droite, on se balance, on bouge. À un moment donné, au tout début du film, on est assis à la table. Puis pour aucune raison, le monsieur dit « Hey, on se lève-tu pour aller s'asseoir plus confortablement ailleurs? » Ça n'a aucune raison, excepté de créer du mouvement parce qu'on est tanné d'être stationnaire. Et, au théâtre, c'est pour habiter la scène. Exactement! Pour faire plaisir aux deux côtés, côté jardin et côté... faire plaisir à tout le monde. Et pour ceux aussi qui sont pas capables de se figurer c'est quoi un style sitcom, par exemple, on est dehors, la jeune fille est dehors, la mère, elle arrive à sa gauche, on ouvre la porte, on voit pas ce qu'il y a de l'autre bord, et la tante veut parler, et elle ouvre la fenêtre en haut. Donc, on exploite entièrement le plateau pour faire penser, donner une illusion de profondeur et de largeur du plateau, alors que finalement, c'est très petit. Mais un sitcom, ça va souvent utiliser ça, c'est l'idée que ça a l'air plus gros que ce que c'est. On utilise un petit peu les corridors, mais on les utilisera jamais. T'sais, au bout des marches, il n'y a absolument rien, mais on va les utiliser pour le faire croire. l'autre chose que je voulais souligner, c'est le concierge. Oui, il y a l'idée que, comme vous avez mentionné, l'affaire qu'on mentionne très tôt dans le film, qu'un esprit d'un enfant de 8 ans et tout. Mais moi, je pense que s'il s'attaque gros à Rhonda, y a-t-il un N? Rhonda. S'il s'attaque gros à elle, c'est parce que c'est une réaction totalement humaine du fait que il est en dessous, lui-là. Lui-là, c'est un sous-humain. La manière qu'on parle de lui au début, qu'on lui parle au début du film, c'est... Pour vrai, là, j'ai tellement ri, la tante a dit... La tante, elle s'occupe des appartements aussi. C'est elle qui héberge Rhonda et sa mère, finalement. Mais eux, ils louent un appartement dans son bloc appartement et elle habite au-dessus. Puis le concierge, Leroy, rentre sans sonner. Ou il cogne, puis il rentre. Une affaire comme ça. Mais tu sais, il s'annonce, puis il rentre. Pis elle dit, voyons donc, ça se fait pas rentrer chez le monde de même. Tu sonnes, t'attends... Puis si tu vois qu'on ne te répond pas, tu rentres. Scène suivante, elle sonne 40. C'est comme, lui n'a pas le droit de franchir les limites humaines. Il est vraiment un sous-humain. Elle lui parle comme un animal. C'est un esclave, il est dehors. Ben oui, il est dehors à quatre pattes à trimer les feuilles d'arbre. Et elle lui parle, puis elle est supérieure à lui. Fait que moi, j'ai l'impression que si s'en prend la petite fille, c'est pour avoir quelqu'un d'inférieur à lui. C'est d'avoir le sentiment... qui peut avoir le contrôle sur quelqu'un parce que tout le monde l'insulte puis tout le monde a le contrôle sur lui. Fait qu'il fait comme, ben moi, je vais m'en prendre à quelqu'un, je vais essayer d'avoir le contrôle sur elle. N'étant pas capable, il se bute à un mur et il meurt. Ça va jusque là. Mais on s'entend que quand il se rend compte qu'elle aussi va avoir le dessus sur lui, il panique. Son regard, il change complètement. C'est physique, c'est viscéral le fait que, wow, je me suis pas attaqué à la bonne personne. Quand, tu sais, au début, il l'accuse un peu comme ça, mais quand il découvre que ses accusations sont vraies, il fait comme un genre de « Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas qu'elle avait tué pour vrai! » Là, il trippe plus, là. Mais c'est ça! Il sent le danger dans lequel il s'est mis, là. Mais c'est ça! Fait que vraiment, moi, j'ai trouvé que ce personnage-là, le concierge, était vraiment très crédible. Et quand on parle, encore une fois, de sitcom ou de style théâtral... Au tout début du film, il se fait envoyer chier par les madames, et les madames, ils s'en vont, puis là, on reste avec lui dans les arbustes qui parlent à voix haute. Il fait son monologue intérieur à voix haute. Exactement. Il fait toujours ça. Il ne fait que ça. Et oh, monologue. Ouais, tu vas voir, un jour, je vais la poigner, puis blablabla. C'est typique de l'époque, ça. C'est ça. C'est très sitcom théâtral également. C'est très théâtral. C'est tout ce mélange-là. Fait que, tu sais, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on voulait dire, j'ai donné quelques exemples parce que je les avais notés, ça m'avait fait tellement rire, là. Et autre chose, moi, au contraire de Jeff et Steven, j'ai adoré le jeu de la mère. Parce que, justement, vous regardez les vieux films d'époque, puis les vieux Hitchcock, puis amenez-en des vieux films, les femmes, ils jouent tout le temps, quand ils pleurent, ils s'accotent une colonne sur une porte d'armoire, ils agrippent quelque chose, puis ils pleurent. C'est ça, je sais pas pourquoi c'est ça, mais c'est ça, on dirait, le jeu dépressif des femmes de l'époque. Fait que moi, je peux pas le critiquer en ce sens-là parce que je trouvais que ça fitait. Ils sont tout le temps, tu sais, là, le poignet à côté, là, je le fais en vidéo, mais le poignet à côté comme ça, puis à pleurer, là, à côté sur le front, puis c'est mélodramatique. Mais c'était un jeu. On jouait comme ça à l'époque, à se retourner, puis avoir la lumière, aller chercher la lumière dans son front, fait qu'on levait le menton comme ça pour aller chercher la lumière pour mieux pleurer, qu'on voit mieux le mascara couler, tu sais. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle fait constamment, à partir de quand elle apprend l'adoption par rapport à sa mère, à chaque fois qu'il y a un événement triste, que ce soit par rapport à sa fille ou son passé, elle est tout le temps en train de dramatiser, puis d'être en train de pleurer. Je l'ai vu comme un breakdown. Ah oui, mais moi, ici, là, Je l'ai vu à partir du moment où elle essaie d'appeler son mari, puis elle se rend compte que son mari, elle peut pas y dire au téléphone, elle se sent seule, puis la seule chose qu'elle fait, trouve à faire, c'est que ses nerfs, ils craquent. Moi, c'est de même que je l'ai vu. C'est vraiment... Même la tante comme, en haut, là, elle fait rien pour elle, là. Ça, je suis seule, je suis pris, puis là, elle craque, ses nerfs, ils cassent, puis là, c'est fini. Moi, c'est de même que je l'ai pris. C'est pour ça que c'était tout le temps dans le drame. Moi, j'avais aimé ça. Ce que j'avais aimé aussi, c'est que c'est intriguant assez vite. On est moins de 20 minutes, puis le drame arrive, puis moins de 20 minutes, on est déjà dedans. Au contraire, moi, j'ai écouté Who Can Kill the Child juste avant, puis j'étais comme, alléluia, enfin, quelque chose qui se passe. C'est 2h20 de ce film-là passe plus vite que... Exactement, oui, c'est ça. Puis tantôt, vous aviez mentionné, puis je veux juste revenir là-dessus, que tu sais, les hommes sont assez absents ou contradictoires envers les femmes, mais en même temps, ils sont tellement... Je trouve qu'ils sont remplis d'amour. Que ce soit le père, le grand-père, mais même le psychanalyste, il est rempli d'amour. Puis ça, j'ai aimé ça, parce que je me dis, enfin, on a une espèce d'inversement des rôles où la personne de soutien amour, c'est l'homme, et la personne qui doit prendre le contrôle puis prendre les décisions, c'est deux femmes. Parce que Rhoda, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des décisions. Elle dit tout le temps, c'est parce que Leroy voulait me dénoncer que j'ai décidé de... C'est parce que Claude voulait faire ça que j'ai décidé de... Tu sais, c'est comme... La phrase qu'elle dit, j'ai pas eu le choix de continuer à le frapper, il voulait pas me donner la médaille. Puis là, tu fais comme, c'est de sa faute si je l'ai frappé, il m'a pas donné la médaille. C'est incroyable. Elle est débile, cette fille-là, c'est incroyable. Une autre affaire que je voulais mentionner, c'est la confrontation. C'est très tôt, la mère, elle amène la médaille, puis elle me donne à petit, puis explique-moi ça, puis je le sais que tu mens, mais. Elle l'a confrontée, puis je trouve que dans les films aujourd'hui, elle aurait pris la médaille, la serait cachée dans son dos, puis elle se serait questionnée pendant 1h30, tu sais. Ça, j'ai aimé ça, cette idée que, hey, ça reste un enfant. Puis aujourd'hui, c'est que les enfants, on dirait qu'ils ont le droit à leur vie privée, leur vie secrète, puis on va le cacher, puis à un moment donné, ça va retentir. Non, c'est du temps, je la mets sur la table, puis explique-moi ça, puis il y a de la confrontation dans ce film-là quand même. Puis il y a des petits moments, puis quand ils se battent parce que la petite fille, il y a eu du sang sur ses souliers, puis elle veut les jeter dans l'incinérateur, et elle se bat avec sa fille pour récupérer le sac de souliers. Tu sais, elle le fait pas comme « non, tu me dis c'est quoi », puis la petite fille le jette, puis « non, tu m'as pas dit », puis ça reste pas dans le blabla, ça va physique. Mais la manière d'éduquer les enfants. Je suis ta mère, tu sais. La manière d'élever les enfants dans ces années-là était très différente aussi, plus strict, pas de questionnement. C'est comme si t'as fait de quoi de mal, la mère va automatiquement aller voir l'enfant, tandis qu'aujourd'hui, je ne veux pas généraliser, mais les parents sont plus doux avec les enfants. Ils n'osent pas toujours aller forcément. Façon, elle n'a pas le choix. La petite fille elle est tout le temps dans le déni. Elle est tout le temps, elle lui ment tout le temps. Elle est folle. Elle est complètement folle. La dès que la petite fille est questionnée, aussi challengée, puis qu'elle s'empoignée, qu'est-ce qu'elle fait? Ce que tu disais, JF, c'est « Oh, mes mamans, qui a la plus belle des mamans? Qui a le de... what will you give me for a bag of kisses? » Basket. A basket of kisses. Ah, oh, a basket of hugs. Mais écoute. Pour qu'elle se laisse pas embarquer. Non, pis c'est ça. Elle la tasse, elle la repousse, mais je suis sûre qu'on refait ce film-là aujourd'hui. Elle se laissera attendrir au moins une fois. Là, dès la première fois, elle se laisse pas attendrir. C'est non, tu m'expliques. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'il y avait vraiment une espèce de vrai parent-enfant. Il y avait une situation parent-enfant dans ça. Ça n'a pas grand-chose à voir. Les situations sont différentes, mais dans The Babadook, il y avait une scène avec la mère puis le petit garçon. Ce que le petit garçon a essayé d'être tendre avec sa mère, puis elle l'a comme repoussé un moment donné, puis elle fait arrête ça tout de suite, là, puis, juste parce qu'il la collait. Là, puis, ça me fait penser à ça un peu. Attention, il y a toujours une bonne raison de ramener Babadook. Non, mais moi aussi, je l'avais noté, Babadook, dans cette espèce de confrontation mère-enfant. la petite fille tombe ses nerfs comme dans Babadook aussi. Il y avait cette confrontation-là, il y avait ce jeu-là. Mais la mère, justement, dans Babadook, est exténuée. Elle expire, mais ouais. Elle exprime pas au fils directement, tandis qu'elle, c'est arrête de me mentir. Ouais. Ça, j'ai vraiment. J'ai trouvé ça intéressant, surtout pour à notre époque, de voir ce genre de film-là. Oui, puis comme tu dis, d'habitude, ça, aujourd'hui, ça aurait été un genre de déni. Tandis que dans ce film-là, c'est pas le déni, c'est plutôt le « Mais qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Maintenant que je sais que ma petite fille a peut-être tué un de ses collègues à l'école, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Tu sais, comment je vis maintenant avec ça? » Mais je pense que le monde à l'époque, il suranalysait pas trop les choses, puis c'était comme si ton enfant faisait quelque chose de mal, tu chiolais, puis c'est tout, puis ça s'arrêtait ouais. Là. Tu n'essayais pas de faire comprendre le bien ou le mal, ou nécessairement, mm-hmm. Tu sais, tu chiales, tu mets en punition, puis c'est tout. Puis, où c'est que je dois en venir aussi avec ça? C'est ça que les. La génération, mettons, de mes grands-parents qui étaient à l'âge de la mère, à cette époque-là, c'était plus du genre à tu sais, je veux dire, si quelqu'un. C'était pas du genre, mettons, à triper sur la psychanalyse ou des fait de même. C'était comme. Ils m'ont trouvé que le monde s'écoute trop. Tu sais, si le monde commence à dire le bobo, à dire ci, puis ça, c'est comme si t'écoutes trop. Mais ce film-là, quand tu lis un peu l'histoire, ça a été écrit dans les débuts de la psychanalyse. Là, on traite d'une petite fille qui est sociopathe, qui est une psychopathe, et ça venait à peine. Ouais, il en parle dans le film aussi, il parle de Freud, il me semble. Oui, c'est ça, en disant que c'était les débuts de tout ça. Là, c'est le fun d'un film qui traite de ça aussi. Mais je pense que le monde était plus terre à terre, c'était moins. C'était comme, OK, là, t'as fait quelque chose de mal, je te chiale, puis je te confronte tout de suite. Mais aussi l'idée de. Cet enfant-là est un mauvais enfant, c'est parce qu'il a été élevé dans une mauvaise famille. C'est pas parce qu'il y a un dérèglement psychologique ou quelque chose comme ça. Ça se peut pas, ça. Tandis que, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'on peut naître avec certaines prédispositions. C'est le mot j'allais choisir également, prédisposition. Mais Vicky. Autre chose? Ben, moi, j'avais pas fait le tour. J'avais apprécié, impressionné par le jeu des actrices. Autant l'alcoolique que la mère, que la jeune fille. Je trouvais qu'il y avait un bon balancement de tout. Puis, il y a une phrase que j'ai bien aimée parce que quand elle parle de sa fille qui comprend pas le crime, elle dit « It's like she's blind ». Elle a l'air aveugle, mais c'est un aveugle du cœur. Puis c'est ça. À partir du moment qu'elle l'a dit, j'ai fait « Ah, c'est ça! » Tout le long, je l'ai analysé comme ça. Elle est aveugle. Ben oui. C'est... Incroyable. Tu vois qu'elle essaie d'y faire comprendre le mal qu'elle a fait. Mais cette petite fille-là ne... crise de médaille. Ouais. Tu sais, elle comprend pas le mal parce que c'est comme « Mais moi, je veux juste ça! » Je voulais ça, puis j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai essayé de l'obtenir par les moyens que j'avais. Tout ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'elle veut. C'est ça, tout le film. Qu'est-ce qu'elle veut, puis ce qu'elle mérite, selon elle. C'était à elle, la médaille, c'était pas à lui. J'étais stressée quand la mère du petit gars, il a dit « Est-ce qu'il la méritait ou t'aurais dû la gagner? Est-ce qu'il l'a volée ou il était dû pour avoir la médaille? » Pour expliquer aux auditeurs, c'est que la petite fille, elle va à l'école avec un petit gars, il y avait une médaille qui aurait... qu'elle considère que c'était à elle de gagner, puis c'est un autre garçon qui l'a gagné. Et le garçon meurt. Et la mère va voir la petite fille en disant « Est-ce que c'était à toi la médaille ou à lui? Qui aurait dû la gagner? Est-ce qu'elle l'aurait mérité? » J'étais sur le bout de ma chaise, je me dis « Vraiment? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? » Vraiment? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Parce que à ce moment-là, tu sais que la petite fille, elle peut répondre n'importe quoi. Ben oui! Ah, j'avais peur! Vraiment, vraiment, non. Ça, c'était des moments de vraie tension dans l'histoire où ce que tu fais. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, écoute, je vais prendre la relève, mais je vous avez tout dit. Là, je pense qu'on est tous pas mal sur la même longueur d'onde. Là. Moi, j'ai aimé les actrices. Le rythme, oui, est un peu lent. Il y a des moments où on voudrait que ça se resserre, mais je pense que ça fait partie du mot théâtral de tout ça. Mais puis, Vicky, t'en as parlé un peu, tu disais 20 minutes, on est dans le suspense. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que on se rend compte que l'intrigue, parce que le film commence, on se dit, bon, ben l'intrigue du film, ça va être a-t-elle ou n'a-t-elle pas tué le petit gars? Tu sais, moi, je me disais que c'est ça. Là. On est en 1956. Là. Le film, il ira pas plus loin que ça. Tu sais. Est-ce que... Non! tout d'un coup, la mère découvre la médaille, la petite fille l'avoue, puis il reste encore au-dessus d'une heure au film. Et là, tu te dis, ben voyons donc! Où est-ce que ça s'en va? Ça, là, ça, c'était parfait. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas vu le film, parce que c'est vraiment un film qui te... Tu l'as dit, là, c'est, je pense que c'est Steven ou Jean-François qui disait qu'il y a des revirements puis des punchs à tout bout de champ, tu sais. Le film, on dirait que... Il va avoir... L'intrigue, ça va être ça, mais non, il te rajoute une petite sous-intrigue de plus, une sous-intrigue de plus. Oups, le jardinier, va-t-il réussir à la dénoncer? Est-ce que la madame d'en haut va comprendre la mère? Ouais. La madame d'en haut est un peu comme la grand-mère, là, tu sais, là, que... Mais ce petit affaire-là, c'est un ange, puis il n'y a rien de mal, puis... tu sais, si maman veut pas, moi, je vais dire oui, puis, tu sais, là... Ouais. C'était... Ah non, c'était parfait. Puis, je pense que... À part les défauts qu'on peut reprocher des fois à des films de cette époque-là, où qu'il faut quand même qu'on mette nos lunettes spéciales pour apprécier ces films-là, ces défauts-là sont pas énormes. Ils sont vraiment pas énormes. Ce film-là peut être facilement écoutable par quelqu'un qui est pas habitué à ce type de film-là. Parce que l'histoire est intéressante, les personnages sont intéressants. Je pense qu'on pourrait réadapter cette pièce-là et la produire encore sur scène. Puis je pense que ça sera encore intéressant. Je sais qu'il y a eu un remake pour pour la télé qui a été faite, là, mais ça me semblait un peu boiteux. Là. Je sais pas. Là, ça prend l'actrice, hein? Oui, je pense que tout est dans l'actrice. Et je pense que dans ce film-là, c'est l'élément gagnant. C'est vraiment l'élément gagnant. Le film commence, puis tu la détestes assez rapidement. Mm. Puis moi, c'est drôle parce que, pour mettre en contexte, quand j'ai écouté ce film-là, on venait d'aller dans un souper de famille, puis il y avait une petite fille dans la famille qui avait été chippée toute la soirée. Puis en revenant du souper, moi, je disais à ma blonde, je disais, as-tu remarqué que à toutes les fois qu'il y avait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça, elle allait voir quelqu'un, puis elle faisait comme si elle était cute. Puis comme si c'était le plus beau bel ange au monde. Puis là, quand j'ai vu la petite fille dans le film faire exactement le même pattern, je me suis dit, oh, là, je suis dans le mood pour te détester à soir. Je suis vraiment dedans. C'était parfait. Ce qui était bien, c'est que l'actrice avait compris le deuxième jeu. Oui. Dans le sens où elle fait sa petite cue, mais on voit que elle ne veut pas le faire. Dans le sens où ça aurait pu être, tu sais, quand je dis ça prend de l'actrice, là, c'est qu'une actrice aurait pu dire, oh, oui, je vais faire ma cute sourire, mais la petite fille sourit parce qu'elle sait qu'elle doit sourire à ce moment-là parce que c'est de la manipulation. Oui, tu sens la manipulation, là. Elle réussit à ne pas avoir l'air naturelle, mais c'est pas l'actrice qui n'est pas naturelle, c'est le personnage. Ouais. L'actrice a vraiment compris à faire ce deuxième niveau d'interprétation-là où c'est pas elle qui fait pas naturel, c'est plutôt le personnage qu'il faut pas qu'elle ait l'air naturelle quand elle plie sa petite. Oh, quand elle fait ses petits sourires. Tu comprends le petit côté sociopathe où la personne n'est pas capable de faire les codes de la société, mais apprend à les faire quand même parce que sinon, je vais me faire démasquer ou sinon, je serai plus capable de manipuler les gens. Donc, je dois apprendre à faire ces codes-là, même si s'ils sont pas naturels chez moi. Mm-hmm. C'est Dexter en 1956, là, tu sais. C'est bon. Dexter qu'il était, en fait. Ouais, c'est ça. Je serais curieux, c'est probablement pas possible de le faire, mais je serais curieux de comparer ses performances au début, quand la pièce a commencé en 54, vraiment. Genre 53, je sais pas trop, puis quand ils ont tourné le film 2-3 ans plus tard, tu sais. Je suis sûr qu'il y a eu une belle évolution, là. C'est drôle, là. Parce que moi, je pense automatiquement, c'est complètement deux films différents, mais je pense à Bug, tu sais, un film qui a commencé comme une pièce de théâtre puis qui a été faite en film avec les deux acteurs, avec l'acteur principal qui jouait le même rôle. Puis tu sais, t'écoutais le film, t'avais pas l'impression que c'était forcément une pièce de théâtre en tant que telle. Fait que, tu sais, comme dit Jeff ou Seb, en tout cas les deux, ça doit être intéressant de voir la première performance qu'ils ont offert, puis là, mais tu sais, un coup qu'ils font le film, ça doit faire je sais pas combien de fois qu'ils l'ont fait la performance. Fait que tu sais, ils connaissent sur le bout des doigts. Fait que t'écoutes Bug, le gars, il est tellement écœurant dans son rôle parce qu'il connaît le rôle comme s'il l'avait fait depuis toute sa vie. Fait que c'est un peu la même chose quand on écoute The Bad Seed. Oui, c'est théâtral, puis ça m'a gêné, mais je veux dire, ils connaissent le rôle tellement bien, puis ils l'ont tellement bien qu'en même temps, je peux pas reprocher qu'ils jouent de manière théâtrale. Mm-hmm. C'est ce qui fait le succès de certains films. Si on va on débarque, là, mais tu sais, le Dîner de cons. Pourquoi est-ce que le Dîner de cons est aussi drôle et aussi tight? Parce que ces deux acteurs-là l'ont joué pendant longtemps, là, tu sais. On voit pas souvent ça au cinéma, des adaptations du théâtre avec les mêmes acteurs, mais quand on les voit, on a droit à des performances qui sont assez impressionnantes. Puis je repense à quelque chose que Steven a dit tantôt, il trouvait ça long un peu le film, puis il y a des bouts qui l'ont perdu un peu, mais moi, si on ferait une réadaptation, je changerais rien du tout au scénario, j'enlèverais pas les bouts qui parlent de psychanalyse ou quoi que ce soit, je trouve que ça nous informe sur plein d'aspects qui touchent à... c'est tout important, je trouve, tous les dialogues qu'il y a dans le film sont tout importants. Puis ça nous aide resserrer. Peut-être, sans les couper, resserrer tout ça. Mais moi, j'aime ça. Je suis dans le film, puis j'écoute, puis j'adore les conversations. Ouais. J'aimerais être associé avec eux autres, puis jaser avec eux autres, de tous ces trucs-là. T'sais. Effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Je voulais peut-être juste rajouter que j'aime les costumes aussi de la petite fille. Elle est très poupée. Oui. Puis quand elle sort à la fin, là, elle a son kit pour aller sous la pluie, mais elle a le chapeau. Tu l'imagines en jaune, là, parce que le film est en noir et blanc, mais tu l'imagines en jaune avec le chapeau jaune, le petit manteau jaune, les bottes de pluie jaune. Tu l'imagines vraiment comme une petite poupée, toute bien habillée. Puis au début du film, la tante, elle dit « Ah, mais change-toi pour aller au pique-nique, reste pas en belle robe, tu vas la salir. » Puis elle fait « Non, moi, je porte pas ça, des jeans. » Tu sais, fait qu'elle a cette espèce... Elle est très agressive à ce moment-là. J'aime vraiment pas les jeans, tu sais, vraiment. Ouais. Puis Leroy, lui, presque, il porte quasiment juste ça, je pense. C'est ça, ben oui, tu sais, classe inférieure. Classe inférieure, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était juste cette idée qu'elle fait très poupée, elle fait très catin. Fait que, encore une fois, c'est une question de façade. Ouais. Tu sais, son apparence est très parfaite. Mais après ça... Elle a vraiment l'air d'un ange, là. Donc, si on y va avec vos critiques, Steven? Malgré un temps un peu long, c'est mon premier visionnage. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait qu'un deuxième et un côté théâtral qui m'a un petit peu gêné. Je crois que c'est un film d'enfant tueur surprenant pour son époque et vraiment, vraiment très mémorable par des prestations vraiment impressionnantes. J'ai beaucoup apprécié puis j'étais autant dedans qu'un film d'aujourd'hui. Puis je le dis de même parce que même si je suis un habitué des vieux films, je crois que quelqu'un de 2015 peut autant apprécier un film de 56 avec une telle panoplie de qualité. Fait que c'est un achat. Et en plus, je pense que c'est comme 7,99 le DVD sur eBay. Commande, là, ça vaut la peine. Amazon, il est à 9$ et tu peux le trouver usagé à moins de 5$. Exactement. Jean-François? C'est un achat. S'il existait un jour un Blu-ray Collector's Edition, ça serait ça aussi. Moi, c'est un Collector's Edition. Éventuellement, je vais l'écouter, le commentaire audio au complet. J'ai écouté, comme je disais, 20 minutes peut-être, puis c'est l'actrice qui parle. Puis tu sais, il y a une interview aussi sur le DVD avec elle, une interview filmée, puis tu la regardes, puis c'est une madame très qui a l'air très sympathique et tout, puis qui a pas du tout les qui a plus du tout les traits de la petite jeune folle. Mais c'est intéressant de la voir, puis tu sais, ça... Je pense qu'elle a plein de choses à dire intéressantes, puis éventuellement, je vais l'écouter le commentaire. Fait que pour moi, c'est un achat. Vicky? Ben, moi, je suis cheap, puis il est en location à 2,99 sur YouTube. Fait que... Bon, ben, ça, c'est Vicky. Est-ce que Vicky a déjà recommandé un achat? Non, moi, je suis cheap. Eh ben, moi, c'est un achat. Je l'ai acheté pour l'écouter et je ne regrette aucunement. Le transfert sur DVD est très, très satisfaisant, très beau. Un beau noir et blanc, comme Steven le disait. Donc, c'est même pas gênant. Là. Écoute, c'est une location à 2,99 sur YouTube, là, mais c'est un achat à 5$ à travers une commande sur Amazon. Donc, pourquoi pas? Donc, hey, on s'en va en musique avec une deuxième recommandation. Ah non, c'est vrai! Pierre nous avait donné son appréciation du film en disant que The Bad Seed, c'est crissement la meilleure version de The Orphan. L'inspiration, du moins. Et Jeff, je pense que tu avais demandé à nos auditeurs, as-tu le commentaire pas loin? Oui, j'ai ici devant moi. OK, ben j'en vas-y, avant qu'on passe en musique. On a Audrey Bugold. qui nous dit « J'ai adoré The Bad Seed. Je faisais rire de moi avec mon film en noir et blanc. » Entre parenthèses, elle écrit « J'habite manifestement avec de fins cinéphiles. » Mais je trouve que ça a bien passé le test du temps. Et on a Pascal Jacob qui a écrit « J'ai adoré Les Révoltés de l'an 2000. Nous, on déteste le titre. Mais... bon, j'ai adoré Les Révoltés de l'an 2000. Son côté très réalistique et surtout le jeu de la piñata réinventée. Bon, ben écoute, tant mieux. Donc, on passe en musique avec la recommandation de Pierre. Et c'est The Bridge You Burn du dernier album de Cold Chamber qui s'appelle Rivals. Et on se revient avec la conclusion. Let's go! Some things cannot be forgotten. Nothing in life can be so certain. It's just the way it creeps under my cold skin. The beast of grief can judge from the outside. The reason of grief can give into your pride. You'll take this under my cold skin. Watching you walk. The bridges you burn, I show away. Into oblivion. I'm watching you walk. May the bridges you burn, I show away. Into oblivion. Let's go now. My shields are useless only when it serves as my weakness. Or am I so mistaken? Approach and knock me down. You'll find that you'll be denied this time. Let me be forgotten. C'est terminé, mesdames et messieurs. C'était bizarre de ne pas avoir Pierre avec nous. Je pense qu'on s'est quand même bien comporté. On n'a pas été trop vilain. Il serait peut-être fier de nous. J'ai hâte de voir ce qu'il va en penser. Sur ça, avant de présenter notre prochain sujet, Steven, Jean-François, c'est pas de faire des films? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va faire des films. On avait pris comme une petite pause de quelques semaines, mais là, on a recommencé. On a déjà deux nouveaux épisodes depuis les dernières semaines. Puis, dans les prochains jours, on enregistre un épisode sur les... Comment t'appelles ça, Steven? Les courses amoureuses? Ouais, courses amoureuses. OK. Avec quel film? Le classique, on y va avec Day of Thunder de Tony Scott avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Et le navet Nanar, on y va avec Drive-In avec Sylvester Stallone et Burt Reynolds. C'est pas le Nanar. Non, c'est ça. Day of Thunder, c'est long. Des fois, tu as des perspectives qui peuvent. En tout cas, c'est sûr que si tu mets les deux à côté de l'autre, le nanar, c'est quand même Driven. Fait que c'est brassefairedesfilms.com, tout est là. Excellent. Et toi, Vicky, tu avais quelque chose d'important à dire? Ben, en fait, au début d'été, moi, j'aime ça me partir des. Mettons, une lignée à suivre. Puis là, j'avais envie de refaire le parcours de The Shining. Lire le premier livre, voir le premier film, voir le documentaire Room de 237, et lire le deuxième film, Doctor Sleep. Lire le deuxième livre, Doctor Sleep. Bon. Voir la vraiment, série. Voir le film. Effectivement, c'est ça. Et comme vraiment suivre, mais là, pour l'instant, je suis à la lecture du deuxième livre. Okay. Et aller vraiment critiquer ce parcours-là, voir qu'est-ce qu'il y en est. Comme là, Stephen King a renié le film. Pourquoi? C'est quoi la différence? Qui voulait dire quoi? Puis, avec Room 237, il y a beaucoup de spéculations autour du film. Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Tu sais, jusqu'à quel point ça exagère? Donc, c'est quand même assez horreur parce que The Shining, autant livre que film, ça a des grandes portions de fantômes et de possessions. Beaucoup d'influence pour le futur. Exactement. Fait que j'ai un peu ce parcours-là présentement. Vous allez le voir apparaître sur mon blog écrangras.overtrésionblog.com. Quand je vais avoir terminé le deuxième livre, Doctor Sleep, qui commence très mal. Pour l'instant, j'ai préféré mes deux films aux deux livres. Et de loin. Les deux livres, là, Urk, mais les deux films, autant le documentaire que le film de Kubrick, génial. C'est une suite qui arrive genre vraiment trop tard, là. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme ma popularité va pas bien, fait que je vais y aller avec un retour aux sources, là. Ben, je te dirais que présentement, ben en fait, c'est vrai que le livre, le fondement de où est-ce que Stephen King voulait en venir avec le livre a été vraiment renié dans le film. Fait quand tu vois le film, oui, t'as l'essence du livre, mais t'as pas ce que Stephen King voulait en faire. Ça, je le comprends. Et lui, ben son essence, il l'a continué dans le deuxième livre. Ce qui fait en sorte que si t'as pas lu le premier, t'as juste vu le film, puis tu veux lire le deuxième livre, c'est vraiment, ça prend une tournure ésotérique étrange. Et là, j'en suis rendue aux 50 premières pages encore. Fait que, tu sais, il y en a 400. Le premier livre, il y a 300 pages. Là, lui, celui-là, il se rapproche du 500 pages. Fait que, tu sais, ça se peut que ça prenne une tournure plus terre à terre, mais pour l'instant, ça va vraiment dans l'ésotérique. Ben, c'est Stephen King. Un petit peu tiré par les cheveux. Ouais, mais là, ça peut s'apprendre. Ouais, il se basait beaucoup sur. Il mettait beaucoup d'importance sur le pouvoir du petit gars dans son livre comparé au film, là. Que c'est un élément très secondaire. C'était ça dans plusieurs romans de l'époque aussi, de plusieurs de ses romans, lui, sur les pouvoirs, que ce soit Firestarter ou d'autres affaires comme ça. T'sais. C'est ça. Mm-hmm. Puis là, Carrie, c'est ça, moi tout, j'ai lu Carrie. Puis là, où ce que j'en suis rendu, c'est que là, on a vraiment une communauté de gens qui ont des pouvoirs, puis qui vont comme dans un autre espace-temps. Fait que, tu sais, ça va loin. Okay, ouais. Oui, ça va loin. Puis ça commence avec le personnage de Danny, jeune. Puis sa situation actuelle, puis après ça, on va dans un autre chapitre où on est vraiment comme avec des sorciers, des sorcières qui ont des pouvoirs, puis qui vont dans d'autres espaces-temps. Puis ça, c'est comme la face à Steven présentement, ça m'a fait grincer des dents. Ah, ça me turn off déjà, là. Fait que je veux voir où est-ce que ça s'en va, parce que ça se décolle trop du personnage principal. Fait qu'il n'y a pas d'homme déguisé en ours qui fait des choses à d'autres. C'est un chien, mais non. Pas pour l'instant, mais non, c'est comme... Non, j'aime pas ça. C'est la version horrifique de Harry Potter. Ben, écoute, c'est intéressant, ça, comme projet. Ah oui, vraiment, c'est le parcours. Fait que moi, je vais vraiment faire un podcast, puis après ça, un texte sur vraiment les différences, les ressemblances, où est-ce que Stephen King veut aller, puis où est-ce que Kubrick voulait aller, puis à quel moment tu vois que Kubrick a vraiment détruit le film, le livre de Stephen King en disant, regarde, j'ai payé ton matériel, je fais ce que je veux avec. Moi, ce que j'aime dans des projets comme ce que tu fais, Vicky, c'est que c'est des choses qui m'intéressent, mais que j'aurais jamais les couilles de faire. Donc, je te laisse le faire. Reviens-moi avec ce que tu as pensé, puis ça c'est va être bon, parfait. C'est bon. le fun de regarder des films, je le dis plus. Là, ça va venir à m'amener. Il y en aura. Bon, enfin! il est tourné à 90%, mais c'est ça. Bon, on va passer à d'autres choses. On va passer à notre sujet pour le prochain épisode. Steven, dis-nous donc, quelle liste de films tu vas préparer pour nos auditeurs En fait, on a décidé d'y aller avec de l'horreur marine. Fait qu'on va y aller avec des films qui se passent soit sous l'eau ou sur l'eau. Fait que je vais faire une belle grosse liste de plusieurs classiques et peut-être pas classiques selon vous. Et vous allez voter comme pour les enfants tueurs et on va faire un épisode avec ça et on espère faire quelque chose d'aussi fun que celui-ci. Et peut-être qu'entre les deux, il y aura un tour de table. Je pense qu'on est, dû aussi oui. pour ça. Là. Oh, juste, on a bien du stock. Hein? Juste chiller, là, comme ça. Donc là-dessus, je vais faire un pierre de moi et je vais vous dire, gardez ça à l'heure. Ben, ciao, gang! Bye! Bye!